mais attendez, laissez-la parler quand même. Franchement, je sais pas ce qu'est l'intérêt. Je sais pas, tu te, t'arrives à coucher avec une meuf, proche, tu la gardes pas trois jours. Trois filles différentes. Pas bête, trois, ça. Pendant trois pas jours. Bête, ça. Donc, tu pars sur Pablo, le menteur. Quelle est pour toi d'ailleurs l'anecdote la plus crado, la plus nulle, la plus naze que t'aies entendue des trois? Bah, celle de Pablo. Pablo, ouais. Alors et Pablo, tu vas nous dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attendez, Thibaut, il couche mais avec là n'est pas meufs. La question, Pablo. Non, pas couché. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ton anecdote? Aya, regarde-moi bien. Est-ce que tu crois vraiment que je serais capable d'un truc pareil? Non, bah je te connais pas personnellement. Mais évidemment que c'était vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il l'a fait. Évidemment, Aya. Ah, c'est lui le mytho? Non. Ah, bah tu sais pas. Moi c'était vrai. Ou peut-être que c'est moi. Donc, attends, ça veut dire qu'il nous reste Thibaut à l'area et Flo le psycho. Ouais. Parmi les deux, entre ces deux garçons. Bon, je dirais, bon, toi, t'as l'air gentil. Donc, ah, donc je suis un connard, vas-y. Oh là là, super, la non, meuf. Non, mais je dirais lui. Thibaut, tu t'as penses pas une que tête Thibaut. À pécho, genre. Non, ça va tout de suite. Et Flo. Attends, comment elle t'a mis à la bande. Non, je voudrais revenir sur quelque chose. Elle pense qu'elle veut, Pablo. Aya, arrête, s'il te plaît. Regarde la tête de ce mec rouquin, là. Quoi? C'est le pire. C'est lui. S'il vous plaît. Non, mais il a pas une tête à prendre des photos. Après, on sait jamais, hein, parce que ce qu'on dit sur les. Bon, vas-y. Bah alors, du coup. Non, j'arrête. On m'appelle Flo le psycho. Donc ah tu ouais penses. Indice. Tu penses que c'est Thibaut qui ment et qui n'a pas vécu ça, qui n'a pas chopé toutes ses filles avant sa copine? Thibaut, c'était vrai ou c'était faux, ça? Ouais, moi je crois que c'est Thibaut qui ment. Elle s'appelait Cynthia, elle s'appelait Coralie, elle s'appelait Agathe. Ah, c'est elle s'appelait. C'est Flo le mytho. C'est toi? Et oui, regarde. Et oui, Flo, il a ben jamais fait ça. Mais je suis trop bête parce que je disais qu'il a pas une tête à ben prendre oui des photos et tout. Ah ouais? Ouais, bon. Je ferai jamais ça. Enfin. Mais non, il va avoir un bébé dans incessamment sous peu. Elle va accoucher à tout moment. Et par contre, vous êtes tous des goujats. C'est pas bien. Il faut arrêter ce genre de conneries. Ah ouais? Ah ouais, pas bien. C'est ma teuf. Au cochon, quoi. Léo a une question. En tout cas, elle a bien bâché Thibaut. Ouais. Désolé, Thibaut. Non, mais c'est pas. Moi, je trouvais que t'étais la plus fraîche de mes copines et tout, c'est pas. Léo a une question pour toi, Aya. Bonsoir, Léo. Tu vas te faire démonter, Léo. Ouais. Vas-y, mon Léo. Salut, Marion. Salut, Enzo. Vas-y, pose ta question, mon chaton. Ah, oui, pardon. Alors, oui, donc ma question à Aya Nakamura, c'était quelle est ta plus grande peur? Oula. Oh là là. Ah, franchement, moi, déjà, je suis une grosse peureuse. Tu sais, des fois, je suis chez moi toute seule, il y a la lumière éteinte, je me retourne alors qu'il n'y a rien du tout. Ah ouais, bon, je dis ça, ça se trouve, il y a quelque chose en vrai, mais voilà. C'est non, mais ça fait trop flipper. Mais après, je crois que le truc qui me fait le plus peur, c'est les rats, genre, tu vois. Mais arrête, Thibaut! Il lui a fait peur! Il s'est vengé! C'est pas grave! Alors, non, les rats, j'avoue, c'est bien crado. Ouais, c'est les rats. Je vois un rat, ça me. Ouais, je peux comprendre les rats. Et puis, bon, bah, effectivement, comme tout le monde, hein, s'il y a un bruit chez elle ou autre, ça a fait flipper Léo. Voilà. Voilà. Ok, mon chat? Ouais, ça marche. Allez, on te fait de gros bisous. On te met une dédie d'Aya Nakamura de côté, comme tous les gens qui sont passés à l'antenne. D'ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Bisous, Léo. Et puis, juste avant de se quitter, Aya, on aimerait bien que tu chantes quand même. Ah, bah oui. Ah, okay. Ça, ça te va si on chante un peu, qu'on s'en ouais, va? Ouais, bah ouais, grave. Tout, quoi. Oh nickel. Bah, c'est parti. Aya Nakamura en live. C'est tout de suite sur Fun Radio. Ouais, yeah. On est trop contents. Et Pablo, il avait dit qu'il allait twerker, donc c'est le moment. Hein. Mais ouais, non, Aya. Bah, attends, mais t'as vu, elle m'a pris pour un gros cochon. Je vais arrêter. Bah alors, tu peux danser, tu peux t'ambiancer un petit peu. Y a pas dans de souci. Dans ouais, l'angle, ouais. Dans l'angle. Reste loin. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au quai. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plein bête, à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard. Je suis trop loin pour toi. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Mais tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu plaines, plaines, plaines que la nuit. Tu crois que j'ai ton thème à ton avis. M'appelle pas, mes amants. J't'ai barré, mais t'en veux encore. Toi, tu crois viser dans le mille. Faudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. copines. Mais tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Mon gars t'a coulé, aïe t'a cramé. Tu veux la plus bonne, moyenne. Tu veux la plus fraîche. T'as coulé, aïe, t'as cramé. Mais tu veux la plus bonne, tu veux la plus fraîche. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Mais tu veux la plus fraîche, fraîche, fraîche de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder. Nakamura en live dans le Night Show. On a passé un super moment. Il va falloir choper l'album sorti le 2 novembre. Il s'appelle Nakamura. On te souhaite tout le succès que tu mérites, Aya, avec cet album. Et merci. Merci beaucoup d'être venu dans le Night Show. Merci, ce fut un plaisir. Ah, tu reviens quand tu veux. Ouais. Moi, je te le dis, s'il faut, on te crée un badge. Tu passes, pas de soucis. Et tout de suite, les grands mots. Hein. Non, mais vraiment, c'était hyper cool de te recevoir. On est hyper contents. Merci, moi aussi. Et puis, promis, la prochaine fois, on dégage Pablo de cette équipe. Oui, c'est ça. Hein, finalement. Hein. En tout cas, restez bien là puisque vous allez retrouver Love in Fun tout de suite avec toute l'équipe. Nous, on se retrouvera déjà dimanche soir en direct dès 20h, mais aussi sur les réseaux sociaux Marion et Enzo, puisque demain, on va chercher Martin, un auditeur de Fun Radio. Ce sera du côté de Marseille si vous voulez suivre toutes nos aventures. On va faire plein d'activités avec lui. Suivez-nous. On vous embrasse très fort, les chatons. Au revoir. Bisous. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio, Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur Fun Radio. On est très heureux de vous retrouver. J'espère que la journée a été cool. On va passer toute la soirée ensemble. Là. Fin de soirée, là, 22h minuit, tous les soirs, du dimanche au jeudi, c'est Love in Fun. Une émission différente, une émission où on se parle vraiment, on se dit les choses. Hein. Vous pouvez ici tout dire. Hein. 01 42 48 5000. J'ai déjà lancé le standard. L'équipe est en train de s'installer après avoir dansé sur du Aya Nakamura. Oui, on est un peu essoufflé. Bien sûr, moi j'ai tout donné. Moi. J'ai tout donné, franchement, je me suis éclaté. Comment ça va, Doc? Très très bien. Ça va bien, Doc? Oui. Une petite pause toilette avant le début de l'émission, c'est comme un rituel, hein, c'est vrai. Oui, comme ça on est tranquille pour un moment. Exactement, on est très heureux de retrouver également Alice. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Alice. Ça va? Alors, j'ai vu post sur Instagram direct, on va parler des vacances. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, je suis un peu curieuse, alors rendez-vous sur l'Instagram de Fun Radio. On vous a publié une petite photo de nous trois. Et en fait, on vous pose la question en commentaire de nous dire si vous êtes en vacances demain, dans ces cas-là, petit smiley soleil. Ah. Ou si vous bossez ou quoi que ce soit, que vous devez vous réveiller toute la semaine prochaine parce que, pas de vacances, boulot. Toute la semaine. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire sur l'Instagram de Fun Radio. Alors nous, on sera là pendant toutes vos vacances, bien sûr. Tous les soirs, 22h minuit, on est là. Ce soir, une nouvelle fois, il va se passer beaucoup de choses dans cette émission. Il y aura un nouvel examen avec des nouvelles questions. On va bien sûr faire un petit tour là du côté de Kassim, ouais. Le reproducteur. Ça va, Kassim? Ouais, très bien, ouais. Tu t'installes, ouais, toi aussi? J'enlève mes pompes là. Voilà, mets-toi à l'aise. Ce soir, nous sommes jeudi soir, nous aurons un zap de Coco. Coco du standard, ça va Coco? Ça va super bien. T'as bien préparé ton zap? On a préparé ça un tout petit peu en avance avec Kassim et on pense que ça va être pas mal. Ah, bah, je pense que ça va être pas mal. J'adore, ouais. J'adore parce que la semaine dernière il nous disait ça va déchirer, ça va être génial. Et maintenant il commence à prendre des précautions. Je pense que ça va être. On appellera Clo-Clo, ton papa? Ah, mais il m'a dit oublie pas, je suis ton père, je suis en vacances. Ouais, ah. Ben je sais bien, mais bon, je rappelle que c'est toutes les semaines, Clo-Clo, le papa de Coco du Smandard, qui décide si oui ou non, la rubrique continue. Et oui. Hein, et bien sûr, vous le savez, Méloche du Smandard. Ça va, Méloche? Ça va, super, merci. Ouais, alors ça, c'est Méloche qui est speed, je suis au téléphone, ouais, ne regarde pas. Ça va, ça va. N'hésitez pas, on va accueillir Jonathan. Jonathan, hello Jonathan. Hello, du cul. Des grands malades. Ça va à toi? Ça va bien, Jonathan? Bande de branleurs. Ah ouais, ça va. Ça va bien, ça va bien. Toi, tu nous as bien cerné, Jonathan. Ah, tu ouais. sais à qui ouais, tu t'adresses. J'ai cerné le trio, là. Ah ouais. La brochette. La belle brochette. La belle brochette du 22h minuit. T'as 19 ans et t'es de Nîmes, Jonathan. Bien sûr. Exactement. Confirme? Bien sûr. Ok. Et Jonathan, tu fais quoi dans la vie, Jonathan? Je suis agriculteur. D'accord. Et là, j'ai des études dans l'agriculture. Ok. Et t'es un fidèle auditeur de Fun Radio? Bien sûr. Ça fait 3 ans. Il y en a beaucoup hein, qui nous écoutent, des agriculteurs et tout, et qui bossent et parce que vous bossez le soir aussi. Ah là là, c'est du taf, hein, ça. Hein. Ah, c'est que ça. Hein. Non, on se gratte pas les couilles derrière un dos, enfin. C'est une attaque personnelle parce que c'est exactement ce que j'ai fait toute l'après-midi. Ah, je suis sûr que tu te grattes quand même un peu les couilles, hein, John. Hein. Faut pas nous la faire à nous. Hein. Ouais. Non, on travaille tout le temps à la H24. C'est vrai, et c'est pour ça que tu vas passer 2 heures avec nous, Jonathan. Hein, parce que t'as pas le temps. Mais bon, là, je suis étudiant encore, j'ai pas encore en élevage. Ah, va falloir parler bien fort dans le téléphone, Jonathan, parce que... Pardon. Y a aucun problème. T'engueule pas. Et alors, tu vas choisir la musique, Jonathan, c'est ton premier privilège de l'auditeur du soir, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors moi, c'est un petit blablabla. Ça, c'est bon. Ça. Ah oui. Ça, Armin bon, Van Buren. Très, très, très bon. Blablabla dans l'émission ce soir, on écoutera aussi The Chainsmokers. Ah, t'aimes bien? Ah oui, c'est pas mal, ça aussi. Quand je traite les chiens, c'est pas mal. Et il y aura Jason Derulo avec Goodbye sur Fun Radio. (01) 42 48 5000 pour nous appeler toute la soirée sur Fun Radio. Il est temps de prendre des nouvelles de Pierrick. Pierrick qui nous a appelé hier dans l'émission pour nous dire voilà, je vous appelle, je suis en galère. Demain, il y a un mec qui veut me casser la gueule. Hein, tout ça pour une histoire de théorème de Thalès. Ah oui, c'est vrai. Hein, parce que Pierrick, il se l'était pété, genre, quoi, tu connais pas le théorème de Thalès? T'es teubé ou quoi? On apprend ça en cinquième. On l'a pris il y a un an, il lui a dit, t'sais. Et le mec l'a trop mal pris, il lui a dit, tu vas voir demain, je vais te casser la gueule à la récré. Hein, je schématise un petit peu, hein, Pierrick. On est content de te retrouver, t'es toujours vivant. Bonsoir, Pierrick. Ouais, salut Carette, salut Doc, salut Alice. Salut Pierrick. A priori, à ta voix, t'as pas le visage encore déformé. Tu peux parler? Bon, encore. Bon, Pierrick, raconte-nous comment s'est passée ta journée. Alors, on t'a filé plein de conseils, hein, et notamment, bien sûr, d'y aller. On t'avait dit qu'il fallait pas hésiter à y aller, et surtout, à en parler autour de toi et de faire un peu comme si de rien n'était pour voir si le mec allait pas tout simplement zapper le délire, quoi. Alors. Alors, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y avait un mec hier soir du lycée qui m'a écouté à la radio, qui me connaissait apparemment, moi je le connaissais pas, et juste de visage. Et donc ce matin, donc je suis allé en cours et tout, et en fait donc cette personne-là, enfin j'ai vu cette personne-là qui m'a entendu hier à la radio, et il m'a un peu protégé en fait parce que le mec est revenu. Donc la personne qui voulait me défoncer, puis lui il a dit ouais non tu le touches pas, en vrai il a dit aussi tu couches pas, donc du coup ça a permis en fait de me protéger, et du coup le mec qui voulait me frapper, bah du coup il m'a pas retouché. D'accord, donc en fait quelqu'un t'a défendu, un auditeur qui écoutait l'émission, voilà, il t'a reconnu, il savait qui t'étais, il est venu te voir pour te dire personne va te toucher, t'inquiète, moi je te défends. Ah ouais, tu t'es fait un pote costaud quoi. T'es un protecteur voilà. Maintenant. C'est génial. Alors, exactement. On a le numéro de téléphone du pote costaud ou pas? On va l'appeler. Le garde du corps. Bien sûr. Ah bah oui. On peut l'appeler, c'est Nolan, c'est ça Pierrick? Exactement. Ouais. Eh ben on appelle Nolan. Bah oui, attends. Voilà, on a toujours besoin d'un pote costaud. Mais grave. Hein, c'est vrai, nous dans l'équipe, c'est Coco du stand. Hein, six-pack, comme on l'appelle. Hein, mais attends, j'ai vu des photos de lui à poil, en maillot de bain et tout. Il y a les tablettes. Hein. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'après il sait se battre. Hein. Ah, ça c'est encore autre chose. Ouais, c'est pas un ninja. Oui, allô, Nolan? Ouais, c'est moi. Salut Nolan, c'est Karel, t'es en direct sur Fun Radio, je suis avec Doc et Alice. Salut. Salut, salut. On voulait te féliciter, Nolan. Ah ouais, bravo. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que t'as défendu Pierrick aujourd'hui, t'es allé le voir, t'écoutais l'émission hier, et bah grâce à toi, il s'est pas fait casser la gueule. Bah écoute, merci. Après, moi j'ai pas fait ça pour ce qu'il y a à côté, quoi. C'est juste que moi j'aime pas ça, tu vois. J'ai pas... reconnu chez Lovinson. Moi j'écoute beaucoup la radio. Voilà, moi ça me tient à cœur. De niquer des mecs comme ça, tu vois. C'est ça. Tu vois, il cherchait les mots, il a bien trouvé. Il fait le mec. Et même, tu vois, moi je suis là avec. Je rentre dans son jeu. Et moi je lui ai dit clairement tu viens, tu le touches, je te mets une tatane. Voilà. C'est ce que je vous dis. Okay. Maintenant, Pierrick, c'est mon gars. Voilà. Allez, c'est mon gars. Nolan, plus connu sous le nom d'Iron Man, est avec nous ce soir sur Fun Radio. Nolan, franchement, super cool que tu aies. Bah, bravo, fait ce que parce fait. Que en plus, c'était spontané. Donc voilà. Ça. Tu ne cherchais rien de particulier, et voilà. Bravo. Non, je cherche juste un plus juste. Voilà, la justice. Ah ouais. Voilà, alors tu sais quoi, on aimerait t'offrir. Sans frapper toi-même. Bien sûr. On aimerait t'offrir un téléphone, Nolan, parce qu'on t'entend pas bien. Je ne te le cache pas. Le super-héros, quoi. Ouais, non, et franchement, super cool. Du coup, Pierrick, tu t'étais fait un ennemi, et là, grâce à Love in Fun, tu viens de te faire un pote. Exactement. Bon, alors, est-ce que l'affaire est réglée définitivement? Parce que c'est ça qui nous inquiète. Je veux dire, Nolan, il sera pas là tous les jours non plus, quoi. Bah, je pense qu'il s'est calmé et qu'il a dû perdre de ses couilles. D'accord. Bon, et toi, tu connaissais le gars, tu l'as vu donc, Nolan. Il était, c'est genre le mec un peu énervé ou pas? Ouais, c'est un gars un peu frustré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi aussi, je l'ai reconnu parce que moi, j'allais prendre mon bus pour rentrer chez moi et j'entendais parler d'un gars justement qui était frustré, comme quoi il s'était foutu de sa gueule et qui allait taper l'autre. Donc, automatiquement, tu vois, j'ai reconnu. Pierrick, parce que je le vois tous les jours, mais juste de face. Ouais. Et le gars aussi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, voilà, moi, je me suis levé plus tôt et voilà, j'ai voulu rendre un peu justice. Bravo. Mais ça veut dire que le grand là qui voulait frapper, il est quand même venu vers Pierrick. Ouais. Il est venu le chercher. Non, du tout. Ouais. Même pas cool. Du tout, tu vois. Genre, ils ont réglé leurs problèmes entre eux, mais ça, c'est genre, c'était la veille, c'était pour ça, je crois, qu'ils voulaient appeler. Oui. Et voilà, moi j'ai entendu ça et je suis allé le voir, je me suis réveillé plus tôt et j'ai mis une pression. Mmh. Bah bravo en tout cas Nolan, nous on te félicite, on va t'envoyer le petit pack Love in Fun de super héros. Voilà. On mettra une petite figurine d'Iron Man dedans, d'accord? Merci beaucoup les gars. Eh bah, je t'en prie, bravo Nolan et Pierrick, tu nous tiens au courant. Ouais. Hein, désormais t'as un garde du corps. Qu'on va acheter à coup de pack Love in Fun. Hein. On lui en donnera un tous les mois, comme un abonnement mensuel. D'accord? Ça marche. C'est super. Eh ben, tu n'hésites pas à nous rappeler, Pierrick. Hein. Ouais, et puis bah, merci beaucoup à toute l'équipe du coup, pour son aide. Et du coup, voilà, ça me permet de rester, de ne pas avoir la gueule cassée. Bon, et en plus, c'est les vacances pour toi, là? Ouais. Bon, bah en plus, les vacances vont passer dessus. L'autre, il va passer à autre chose. Ah, c'est vrai, putain. Demain soir, vous avez deux semaines de vacances, les amis. Eh oui. Ça, c'est beau. Pour hein. certains, en tout cas. Ah, absolument. Pour les autres, bon courage à vous. On sera là, nous, tous les soirs. Hein, je vous l'ai dit. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Alice, dans un instant, on va parler de trucs qu'on peut cacher à ses parents, des petites conneries. On a reçu un message de Charlotte. En fait, elle a acheté un chat en cachette qu'elle cache dans sa chambre. Sauf que ses parents ne sont pas du tout au courant qu'elle a un animal domestique à la maison. Et elle a peur de se faire griller. Donc, on va parler de ça, de toutes les conneries que vous avez fait dans le dos de vos parents. Que ce soit des piercings, des tatouages, acheter des trucs sans qu'ils soient au courant, piquer la voiture des parents, c'est des choses qui arrivent. Franchement, on va parler de tout ça ce bien soir. Sûr. Donc lâchez-vous. Doc nous dira pourquoi est-ce qu'on fait des trucs en douce comme ça. C'est vrai, hein, on a tendance beaucoup à mentir. Grave. À mentir et faire toutes les saloperies du monde à nos parents. On est inconscient souvent et on n'ose pas le refaire quelques années plus tard. C'est ça qui est bizarre. N'hésitez pas. C'est le moment de vous lâcher. Vous avez fait des grosses conneries là dans le dos de vos parents, des trucs un peu dingues. 01 42 48 5000. Et ça c'est Dadju avec Lyon. L'exam aussi hein. N'hésitez pas à vous inscrire à tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. Z

Badjou, Lyon sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 22h minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Et nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Love in Fun, le striptease. Ah, le striptease de Sofiane, le stripteaseur Fun Radio pour Méloche du Standard qui fêtait ses 25 ans cette semaine. Et voilà, si vous voulez voir Méloche qui mange la banane du stripteaseur, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le YouTube de Love in Fun. Love in Fun, hein, que vous pouvez réécouter en podcast, hein, justement. Là, il y en a pas mal d'entre vous qui vont être en vacances là pendant quelques jours. Si vous voulez vous refaire des émissions que vous avez peut-être ratées sur l'application Fun Radio, c'est possible, hein, n'hésitez pas. Là, on va parler des conneries qu'on a pu faire, voilà, qu'on a pu cacher à nos parents, qu'on a fait dans le dos de nos parents, c'est ça Alice, hein. Oui, en fait, on a reçu un message de Charlotte sur le Facebook de l'émission et elle a acheté un chat en cachette parce que ses parents n'en voulaient pas et du coup, elle le cache dans sa chambre. Bon, le chat, elle le fait quand même sortir et tout, tu vois, elle le sort genre dans le jardin, dans sa chambre et tout. Elle a acheté genre une petite laisse, hein. J'ai reçu la photo, si vous voulez que je vous envoie cette petite photo sympa du chat. Bien sûr, Alice. Et tout simplement, bah voilà, elle sait pas si elle va se faire griller ou pas, je demande si c'est une bonne idée, si elle devrait s'en séparer avant de se faire griller. Du coup, bah voilà, on a lancé ce débat, est-ce que ça vous est déjà arrivé, enfin ce débat, ce sujet tout simplement, parce que ça nous arrive carrément à tout le monde. Oh, j'avais fait ça moi avec un Doberman dans ma chambre. Ah, n'importe quoi. Ça a pas tenu la soirée. Le chien, ça aboie de ouf. Bien sûr. Un chat, mais... ça miaule quand même. Ouais, non, mais bien sûr. Franchement, cacher comme ça un chat, donc ça le fait pas, non. Bah, ça va s'entendre au bout d'un moment, ou ça va se sentir. Ou surtout pour le chat, que c'est horrible, moi je trouve. C'est le pauvre. Ah mais voilà, là je pense encore, je sais pas, t'achètes un petit rongeur, un petit rat par exemple. Ouais, hein, ça tu se vois, cache plus facilement. Ça peut se cacher genre dans la manche et tout. Ouais, un bah chat, il vit pas dans une manche un rongeur quand même. Alors, est-ce que vous avez ça peut se cacher en tout cas. Oui. Hein, ouais, alors on a Mélodie qui est avec nous, 24 ans de Soissons. Bonsoir Mélodie. Bonsoir. Bonsoir Miss Connerie. Hein, j'ai envie de te dire, salut. Hein, t'as fait des conneries toi dans le dos de tes parents? Oui, beaucoup. Vas-y, raconte. En fait, une fois, j'avais une soirée et puis je voulais pas y aller à pied dans le noir toute seule, ça le fait pas trop. Ouais. Et du coup, en fait, je suis sortie en douce et j'ai piqué le scooter à ma mère. Ok. Oh là là, mais t'avais genre quel âge? J'avais 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. 15 ans, c'est vachement jeune. C'était un scooter 50 cm cube ou c'était un gros truc? Non, c'était un petit. Un petit. D'accord. Donc t'as piqué le scooter, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à ma soirée tranquillou, tout s'est bien passé, et en fait, c'est en rentrant, tout a dérapé. Ah oui, elle t'attendait. Et là, c'est le drame. J'ai voulu remonter le trottoir, en fait, pour rentrer chez moi, et en fait, je me suis carrément ramassée comme jamais. Ouais. Et le scooter m'est tombé sur la jambe, j'ai eu le pot d'échappement en fait sur la jambe, ça m'a brûlé ça la jambe. Ah ouais, ça crame ça. T'avais bu? Et j'avais carrément tout le côté du scooter qui était tout rayé quoi. Est-ce que t'étais alcoolisé? Un petit peu. Ah, en plus quoi. Bravo, hein, bravo. T'imagines, ça aurait pu être vraiment fatal, hein, c'est un truc de fou. Il vaut mieux encore qu'il tombe sur la jambe plutôt que t'aies un accident quoi. Grave. Mais non, ça va, je me suis relevée et je l'ai remontée en fait et je suis partie me coucher, il était 3h du matin. Et ta mère dans l'histoire? Et j'ai eu ma maman à 6h du matin qui est venue me réveiller en me hurlant dessus comme jamais. Ah, tu m'étonnes. Et ça va, je me suis arrangée. Ouais, bah ouais. Elle m'a pas dit à mon père. Ouais, franchement, alors, Mélodie, si je peux me permettre, ça va, c'est soft. Moi, j'ai la même histoire, mais en pire. Tu racontes? Oui. Alors, monsieur plus que les autres. Alors, je suis monsieur plus que les autres sur cette histoire. Vous allez me dire si c'est plus que moi, les autres. Moi, c'est grave. Alors, non, moi, c'est pas grave. Mais moi, il y a toute une histoire. J'avais un repas de classe. J'étais en première. Et j'avais pris ma 103 RCX. Hein, donc, c'était un beau modèle de mobilette. Hein, et, une mobilette. Et, ouais, c'était une mobilette. Hein, c'était une mob, quoi. Et ouais, non, moi, j'aimais pas les scooters. Ouais, okay. Il me fallait un truc comme ça. Et en fait, j'étais alcoolisé comme toi, tu vois, Mélodie. Et je me suis planté en mobilette. Et tout de suite, mon premier réflexe, ça a été de me dire, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement bourré. En plus, rien de grave, hein, mais franchement, j'étais pas bien, quoi. Donc, j'ai sonné, j'ai toqué à une porte et tout, j'avais le jean qui était déchiré et tout, machin. Et, du coup, voilà, je dis, bon, bah, il faut appeler mes parents. Et, là, j'assumais pas d'être bourré, si tu veux. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire? Bah, je vais dire que je me suis fait renverser. Oh! Et t'as genre, tenu le truc? Genre par une voiture et tout machin. Mais donc non. Là, je dis à mon père et tout, allô papa, ouais, il y a une voiture et tout qui m'a fait tanguer, je suis tombé, voilà. Mais t'as bu? Non, j'ai pas bu, machin. Et puis je vais te dire, j'ai eu le temps de dessouler. Hein. Et là, non, mon père, il arrive, il a bouffé le papier de l'adresse et tout machin. Il arrive et tout, il voit la mobilette, on était complètement fracassés et tout. Donc le lendemain, on devait aller déposer plainte chez les flics. Ouais. Bah parce que j'avais été renversé, quoi. Oh là là. Alors, moi, j'étais pas bien. Oh, le c'était pas vrai, quoi. T'étais trop loin dans ton mensonge. Ah ouais, non, mais de ouf. La plaque d'immatriculation. Hein, du coup, le premier truc qu'on fait, c'est on va chercher la mobylette, hein, donc qui n'était plus là. Ah, okay. Elle avait été embarquée, donc voilà. Je sais pas ce qui se passe et tout. Je commence à paniquer et tout. Mon père, il arrêtait pas de me poser des questions sur la voiture qui n'existait pas. Enfin voilà. Et on va chez les flics. Et là, donc, on va pour déposer plainte et tout. Et ils avaient la mobylette. Oh, ils avaient déjà fait une enquête et tout, oh, bien sûr, oh, parce qu'ils avaient retrouvé le truc et tout machin. Et là, moi, je leur dis, bah voilà. Trahi. Ah ben, je me suis fait. Non, mais c'est les experts à Saint-Brieuc, c'est ouais, ce délire. Et là, je me souviens, il y avait mon père qui était à côté de moi, qui me regardait, et t'avais le flic qui disait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lui dis, je me suis fait renverser. Et là, le flic, il me dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a pas de traces de pneus, il y a rien du tout, on a bien fait une étude de terrain, machin, etc. Et là, mon père qui me regarde du coin de l'œil, et qui me dit, t'es en train de me foutre la honte devant les flics, là. Tu vois? Et j'en ai pas démordu. J'ai toujours dit que je m'étais fait renverser, donc ce soir, papa, je te le dis officiellement, ouais, j'étais juste bourré. Oh non, mais c'est horrible. Non, mais voilà. Et tu l'as jamais dit, quoi. Donc là, c'est la première fois que tu le balances à quelqu'un, que tu l'avoues, quoi. Absolument, et je me sens mal. Putain, oh, soirée confession. Mais tu sais que quand ton père est venu te chercher et qu'il t'a récupéré, normalement, il y a les vapeurs d'alcool. Parce que ouais. l'alcool, ça se sent dans l'air qu'on exhale. Donc, bien sûr. Il a dû se rendre compte quand même que bien t'étais sûr, bourré. Bien sûr, Doc, je te rappelle que je suis breton. voilà. Enfin voilà, je tiens bien. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien sûr. Alors, Mélodie, ah, voilà. Ah, on voit ce que ça fait hein, entre toi et Mélodie. Bah, c'était pas bien. C'était clairement pas bien. Et puis, c'est vrai que parfois, on se retrouve à mentir pour éviter de se faire engueuler, quoi. Et au final, c'est encore pire. Mélodie, il y a aussi Marine qui est là, 25 ans de Nemours. Mais franchement, oui. Je vais vous dire, mon histoire, c'est rien à côté de celle d'Alice qu'elle n'ose pas raconter. Bonsoir, Marine. Je la dirai jamais. Bonsoir, Marine. Ben, parce que je vais te dire, Marine, Alice, elle a caché quelque chose à ses parents et ils sont toujours pas au courant. Et alors, et ça a duré plusieurs années. Et bien alors, tu vas fermer ta gueule pendant encore plusieurs années. Alors, bonsoir Marine, qu'est-ce que t'as fait en douce, toi, dans le dos de tes parents? Alors en fait, dans le dos de mon père, je me suis fait percer la langue. Pas mal. Il m'avait... Ouais. J'ai eu un peu peur de sa réaction quand même, parce qu'en fait, il m'avait dit que sous son toit, je ne me ferais pas percer la langue, parce qu'à ce moment-là, j'étais mineure, j'avais 17 ans quand je voulais me faire percer la langue. Ouais. Donc, j'ai attendu le jour de mes 18 ans et j'y suis allée, sauf que je lui ai pas dit. Et pour qu'il l'apprenne, en fait, je suis passée à son travail, je lui ai montré ma langue et je suis repartie parce que j'avais trop peur de me faire engueuler à ce moment-là. Donc il m'a juste fait les gros yeux, j'ai tout compris et du coup je suis repartie. Bah ouais, il pouvait certainement trop rien dire sur son lieu de travail. Bah ouais. Tu l'as coincé là. Dire. Ah ben c'est pour ça que j'y suis allée. Oui. Ouais, c'est une grande stratégie quand même. Mais au moins tu l'as dit, quoi. Tu vois, moi je me suis fait percer la langue, je l'ai dit à personne jusqu'à ce qu'on me grille, quoi. Ah ouais. Elle a attendu ses 18 ans. Elle a attendu vraiment poil d'être à sa majorité pour qu'il ait plus rien à dire, puisque ça, là t'as le droit. Bah, et puis on n'a pas le choix. De toute façon, il faut l'autorisation des parents. Donc j'étais coincée. Mm-hmm. Bah oui. Donc à moins de faire ça dans la rue avec un mec bizarre. Et une fois rentré, du coup, quand tu as vu ton père le soir, qu'est-ce qu'il a dit? Une fois rentré, j'ai un peu hésité au début son regard et puis il m'a dit je veux pas que tu viennes te plaindre, de toute façon tu vas le regretter. Donc en gros, si j'avais mal, fallait pas que je le dise. Bon, ça va. Bon, c'était pas si pire comme réaction. Cassim, il t'est arrivé quoi, toi? T'as fait des trucs dans le dos de tes parents, toi? Ouais, moi, j'aimais pas les haricots et du coup, je les cachais sous l'assiette. Et du coup, ils me voyaient pas. Et après, je me barrais dans ma chambre. Non, mais putain, mec, c'est une anecdote de quand t'as 8 ans, ça. Ouais, ouais, je cachais les haricots sous mon assiette. Moment, j'étais trop en panique, quoi. Parce que, tu sais, j'avais mangé ma viande, c'était un steak haché à l'époque. Il était à point et du coup, j'avais pris tous les haricots, tu sais, j'avais vraiment caché sous l'assiette. Et je m'étais barré sans débarrasser, ils ont jamais vu. On va faire la pire anecdote du monde et je pense que Cassim a toutes ses chances. Mais non, mais c'est pas possible. J'ai caché des haricots à mes parents sous une assiette, quoi. Pourquoi on fait ça, Doc? Parce qu'on c'est structurant. Ça sert à être rebelle contre ses parents, ouais. À prendre de l'autonomie, ouais. Aussi. Voilà, c'est on. Mais les haricots. on essaye de construire sa personnalité en faisant tout ce genre de petites conneries, hein, d'arriver à faire des choses sans que ça se sache. Voilà, ça construit ta personnalité. Bah, d'accord. Alors. C'est absolument indispensable. On passe tous par là pour arriver à exister. C'est aussi exister en dehors des parents, pas tout dire, pas tout montrer, se cacher, faire des choses qui sont propres à nous. Ça sert à l'autonomisation. C'est vrai, mais quelques années plus tard, il y a prescription. Il y a prescription, il y a du temps qui est passé. Et c'est vrai que voilà, quand on cache pendant plusieurs années quelque chose à ses parents... Bonsoir Alice. Bonsoir. Est-ce que ce soir, tu as envie de dévoiler une part de toi? Moi, ça sert à rien, ils écoutent pas, donc je leur enverrai un message de mon côté. Non. Eh bien, vous ne le saurez pas. Et non, mais toi, t'as caché des trucs, toi. Oui, j'ai caché des trucs. Bah, enfin, je l'ai souvent quand même dit les choses et je les ai fait en mode rebelle. Genre, ouais, bah, tu sais quoi, je vais faire ça. Et je le faisais vraiment. Mais le truc que j'ai vraiment caché aussi par rapport, bah, c'est le piercing à la langue ou des choses comme ça. Mais là, tu vois, maintenant, quelques années après, j'ai besoin de leur validation pour me faire tatouer. Ah oui. Comme pour, tu vois, me rattraper de toutes ces choses que j'ai fait dans leur dos, quoi. Genre, ton tatouage, là, que tu viens de te faire et tout, tu leur as demandé ce qu'ils en pensaient et bah, tout, quoi. Je les ai prévenus, quoi, en tout cas. Mais voilà, mais j'avais peur. Aujourd'hui, j'ai vu mon père, je me suis putain, qu'est-ce qu'il va dire quand je vais lui montrer? Puis il a regardé, il a dit, c'est moins pire que ce que j'imaginais. Non, il l'a pas dit comme ça. Il a dit, c'est moins pire que ce que j'imaginais. Il a dit, ma fille, c'est la famille. Tu ne peux pas te tatouer sans l'autorisation de ton padre. Et toute la famille Stottino. C'est Pippo, Franco, Marco, toute la famille. Personne ne s'est tatoué. Non, jamais. Ou alors, le sigle de la famille. Alice est italienne, hein, je le dis, elle est calabraise, hein, c'est pour ça. Et son père nous fait peur. Je vous le dis, hein, on l'a déjà croisé de multiples reprises. Tu sens que c'est monsieur. Monsieur. El padre. El padre. Alice, dans un instant. On va se faire un zap de coco. Ah oui. Ah oui. Ah ça, ah, ça oui. Va être bon. Restez bien ici sur Fun Radio 01 42 48 5000 puisque je rappelle que Coco revient sur une semaine d'émission avec, ce qui fait, ce qu'on aime cette émission. Il va nous chambrer. Et là maintenant, on va s'écouter Blablabla, Armin van Buuren sur Fun Radio. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, yeah. Armin Van Buuren sur Fun Radio. C'est l'heure de l'appel anonyme sur Fun Radio. Vous le savez, à tout moment pendant l'émission, il y a l'appel anonyme. Vous voulez venir témoigner ici sur Fun Radio en étant totalement anonyme, vous pouvez le faire. Il suffit de nous appeler au 01 42 48 5000. On peut changer votre prénom, votre ville. On peut même changer votre voix avec un appareil. Ce soir, on va accueillir Marina. Bonsoir Marina. Bonjour Karel. Bonne nuit, bonne soirée toute l'équipe. Ah, mais bonne soirée. Mais attends, c'est pas souvent qu'on les auditeurs disent bonne soirée à tous les autres. Bienvenue à toi Marine. Marina, merci. C'est bien ça. On est très content. Marina, oui. Bien sûr Marina, on est très content de t'avoir au téléphone. Ce soir, tu avais envie de te dévoiler et d'en dire un petit peu plus sur toi et sur ton passé et ce qui t'est arrivé. Bah en fait, effectivement, je rebondis un petit peu sur le sujet qu'il y a eu cette semaine sur le somnambulisme, parce que on voit toujours le côté un peu fun, un peu funky de la crise, qui peut être rigolo, tout ça. Mais il faut savoir que pendant ces crises-là, bah, quelquefois, on peut en être carrément victime. C'est-à-dire? Bah en fait, au début, je savais pas que j'étais somnambule du tout. Je l'ai appris par une copine qui me voyait me trimballer un petit peu dans sa maison dans la nuit, alors que j'ai peur du noir, donc les lumières éteintes, donc voilà, tout se passait bien. Jusque-là, ça allait bien, jusqu'au jour où elle a vu que carrément, je sortais de chez elle, j'allais me trimballer dans la rue en sous-vêtements. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sympa. Mais jusqu'au jour où, bah, à ce moment-là, bah, dans la rue, j'ai croisé un homme qui était avec, on va dire, 3 grammes dans le sang et qui avait, d'après ce que j'ai pu comprendre, des vues sur moi. Et toujours pendant ma crise de somnambule, bah, à ce moment-là, bah, il en a profité, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça, c'est difficile pour moi d'en parler parce que... je l'ai assez mal vécu en fait, j'ai aucun souvenir de tout ça, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais bon en sous-vêtements, parce que c'était l'été, il faisait très chaud, donc je dormais en sous-vêtements, et bah il m'a bloqué contre un mur et il a fait ce qu'il avait à faire en tant qu'homme, quoi. T'as été violée? Ouais. Non mais c'est atroce ce qui t'est arrivé là. Ça a été très dur parce que moi personnellement j'ai aucun souvenir. Oh là là. C'est mon amie qui m'a cherchée de partout parce qu'elle me voyait plus dans le lit, donc elle m'a cherchée et c'est là qu'elle a vu toute l'action et cet homme-là qui était quand même, on va dire, une vraie baraque. Donc je pense qu'inconsciemment j'osais pas trop le repousser malgré que je lui disais non que je voulais pas et qu'il me faisait mal. Il a continué. Après je suis pas persuadée qu'il se rende encore compte de ce qu'il a fait, mais en tout cas il l'a fait, quoi. Et elle est venue te chercher? Elle est venue me chercher, elle l'a repoussée en lui expliquant que j'étais en pleine crise de somnambulisme, que j'étais pas... c'est difficile à expliquer parce que bon, c'est pas facile à digérer tout ça. Elle lui a expliqué que j'étais en pleine crise, que je savais pas ce que je faisais, que j'allais pas m'en rappeler, mais lui, non, il était vraiment collé à moi et il voulait vraiment finir ce qu'il avait commencé, quoi. Ah, c'est horrible. Oui, en plus, il était complètement alcoolisé à ce taux-là d'alcool, c'est sûr que là, on peut dire tout ce qu'il veut, il va pas bouger, surtout qu'il a priori la force, donc oui, c'est sûr. Et alors, comment elle a fait pour arriver à le repousser? À force de discuter un peu avec lui, elle a réussi à le tempériser. Et puis, moi, bien sûr, j'étais, on va dire, salie, quoi. Pour moi, j'étais salie. Tu reviens à toi quand? Oui, c'est dans ça, j'allais te poser la question. Tu te réveilles quand, là? Le lendemain matin. Ah ouais. Comment? Elle t'a remis au lit? Elle m'a remis au lit et elle savait pas que, en fait, il avait fini ce qu'il avait commencé. Donc, elle m'a remis au lit tout doucement, sans me réveiller, bien sûr. Et le lendemain matin, mes sous-vêtements étaient sales. Les pieds, vu que j'ai marché dans la rue, étaient sales. Donc là, j'ai compris que malheureusement, voilà quoi. Elle t'a raconté une fois que tu t'es réveillée? Voilà, elle m'a raconté, mais j'ai absolument aucun souvenir de tout ça. Ouais. Bien sûr, t'étais en pleine crise de somnambulisme, c'est comme si t'étais dans un, alors pour le coup, un cauchemar. Et vous êtes allé déposer plainte? Non, parce que bon, il n'y a aucune preuve comme quoi j'étais pas consentante, il n'y avait pas... puis l'homme, on l'a pas revu depuis, donc voilà, ah non, on mais avait peu... aucune identité, quoi. Ah oui, mais peu importe, tu portes plainte contre X. C'est tout. Tu t'es fait violer quand même. Bien sûr, il n'y a pas besoin de connaître le violeur et d'avoir une identité pour déposer plainte. Je sais, bon, c'est à toi de voir si aujourd'hui ça peut être encore important. Moi, je pense, pour avoir vu un certain nombre de femmes violées, que c'est toujours important. vu que c'est encore émotionnel pour toi, je pense que ça serait bien que tu ailles déposer plainte dans un commissariat. On s'en fiche de savoir qui c'est. En plus, c'est pas ton boulot d'aller chercher qui est la personne. Le connard. Voilà. Hein, c'est tu déposes plainte contre X. On peut toujours donner. En plus, t'as ton ami quand même qui peut faire un portrait robot et décrire la personne. Un super témoin, elle, voilà, dans la situation. Quand même, hein. C'est à la police d'aller faire son travail. Alors, ça date de quand? Ça date de l'été dernier. Mais oui, c'est récent, c'est récent en plus. Hein. Mais après, c'est le travail de la police. C'est pas à toi de t'en occuper. Toi, ce qui est très important, c'est que tu ailles dire à des services de police, voilà ce qui m'est arrivé, et toi, tu le racontes comme tu l'as vécu. On te demande pas de faire des interprétations, hein, on te dit juste de raconter. Et évidemment, ta copine aussi, puisqu'elle a sa version de l'histoire, et qu'elle t'a retrouvé avec lui qui était en train de te violer. Alors c'est sûr que toi, t'as pas de souvenir, donc c'est compliqué. Non. Mais il faut que vous y alliez à deux, déposer plainte. Ça peut paraître pas grand-chose comme ça, mais c'est important pour la psyché humaine d'être entendu, d'être reconnu. Voilà, c'est... Tu es victime, tu le fais écrire, il y a un texte qui le dit, voilà. Et pour que toi tu puisses sortir du processus dans lequel t'es, c'est une des voies de sortie. Hein. C'est d'aller le dire, c'est d'aller le raconter à une autorité de police. Voilà. C'est pas comme le raconter à sa meilleure amie. Voilà, c'est autre chose. Actuellement, je le vis vraiment très très mal et j'ai vraiment honte de ce qui s'est passé. Tu ne peux pas. Alors, il y a bien une chose. Hein. Tu n'es pas la coupable. Tu n'es coupable de rien. Il y a un seul coupable dans l'histoire, c'est cet homme qui a abusé de toi. Alors, certes, il était pas, il se rendait pas compte que tu n'étais pas consciente et que tu étais somnambule. Mais c'est pas ton problème. En tous les cas, elle disait non, il l'a violé. De toute façon, c'est ça n'est pas ton problème. Tu es dans un état modifié de conscience. Voilà, ça peut se raconter à un médecin aussi. Hein. Il faudra peut-être voir le médecin légiste à l'hôpital. Mais parce que parfois il y a des lésions, etc., etc. Bon, là, ça remonte à quelques temps, mais enfin, ça peut toujours se faire. Voir ton médecin généraliste, par exemple, qui peut faire un certificat médical. Est-ce que t'as vu un médecin juste après ça? Non, j'en ai pas vu. Non. Vrai que j'avais vraiment très très mal le lendemain, voire pendant plusieurs jours d'après, quoi. Il a peut-être éjaculé en toi, Marina, excuse-moi, mais tu vois, c'est aussi, a priori, c'est ce que tu dis. Il serait allé jusqu'au bout. Bon, voilà, tout ça, il faut juste aller le raconter. Après, la police fera son travail. On le retrouve pas, c'est bien évidemment autre chose. Mais toi, pour le processus de guérison, c'est important que tu ailles en parler à quelqu'un qui détient l'autorité du droit, de la justice, de la loi. Hein. C'est pas en parler à ta copine, c'est pas en parler à tes amis, c'est pas en parler à ta famille. Ça a une position et ça a un sens, la loi, le droit, la justice. Et peut-être un psy aussi, si t'as besoin d'extérioriser, d'en parler. C'est encore après. Ouais. T'as l'air très fragile à ce niveau-là. Ouais, justement, je suis en plein dans ce processus-là, parce que c'est vrai que c'est pas facile à digérer et à vivre tous les jours. Mmh. Surtout que là, bah, j'ai retrouvé quelqu'un et... C'est compliqué, quoi. Bah oui, dans les rapports humains, c'est compliqué derrière. Faut qu'ils te soutiennent aussi. Mais vraiment, fais ce processus. Déjà, t'es dans un processus pour en sortir. Tu en parles. C'est déjà bien. C'est une autre des voies. Et surtout, tu n'es coupable de rien. Ton état modifié de conscience, c'est pas toi qu'en est responsable. Et puis, on n'est pas coupable d'être somnambule, hein. C'est un état. Bon, voilà, ça arrive à des gens. Bah oui. Donc après, voilà, ça peut mener à des choses comme ça, hein, comme on peut aussi avoir des accidents. On n'est pas coupable quand on est dans un état de somnambulisme. Marina, on va t'accompagner sur ce cheminement et tout. On va pas te laisser tomber, hein, après ce que tu viens de nous dire. Donc, si tu le souhaites, Marina, on pourra te rappeler là très bientôt à l'antenne pour savoir comment s'est passé le dépôt de plainte aussi, parce qu'il faut expliquer ça aux policiers et connaître la suite, tu vois, pour que tu ailles mieux, Marina. Tu es d'accord avec ça? Oui. Il n'y a pas de souci, oui, bien sûr. On te remercie beaucoup. Et en parler ici, c'est aussi une bonne chose de ta part. C'est vrai, et c'est valable pour ceux qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent et qui ont été violentées, qui ont été violées, et qui se taisent. Et il faut pas se taire. Et même les hommes aussi. Il y en a souvent des hommes, même un peu plus jeunes et tout, qui ont vécu ce genre de traumatisme et qui n'osent pas en parler. Quoi. Absolument. 01 42 48 5000. Ici, vous aurez toujours quelqu'un pour vous accueillir et on vous prendra toujours à l'antenne pour en parler. Marina, on te souhaite beaucoup de courage. Tu vas pas raccrocher, d'accord? Je raccroche pas, non. Merci beaucoup, Marina. Restez avec nous et dans vous un instant. Une super équipe. Eh ben, merci gros à bisous, toi, Marina. Prends soin de toi. Tu raccroches gros pas. Sois heureuse avec ton ami. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou pendant. C'est atroce. T'imagines, c'est un truc de fou. C'est horrible. C'est un porc, le mec. Ouais, c'est horrible. Un véritable porc. 01 42 48 5000. Vous pouvez nous appeler pour réagir. On va revenir dans un instant sur Fun Radio. Vous bougez pas avec Emotion, là tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Fun. Cette semaine, votre mission est de jouer au double fun. Qu'est-ce que tu vas entendre sur l'antenne de Fun Radio, Théo ? J'ai entendu le double fun avec Calvin Harris et Tino. Théo ? Oui ? La PS4 Pro avec le jeu Call of Duty Black Ops 4, c'est pour toi ! Ouais ! Yes ! Ah ben merci, merci la famille, merci. C'est le double fun sur Fun Radio. Être ou ne pas être chez Orange et profiter des bons plans d'octobre. Moi, chez Orange, j'ai mon Huawei P20 à 379,90€. La qualité à ce prix-là, ça change tout. Et moi, chez Orange, mon Huawei P20, je l'ai eu sans forfait, sans engagement, tout seul, quoi. T'as quand même le chargeur, j'espère. Avec Orange, profitez de la haute technologie à prix réduit avec le Huawei P20 débloqué à 379,90€ au lieu de 599,90€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 24 octobre. Détails en boutique et sur orange.fr. T'es en panique quand tu te souviens que t'as dit à la fille la plus fraîche de la soirée que t'étais dresseur de perroquets. Mais quand elle t'envoie un selfie avec un verre de Sunny Delight, Iced Tea, Fraise, Citron Vert en te disant « Salut, coco !» Oh, bête, tu kiffes. Nouveau Sunny Delight, Iced Tea. Drink sunny and enjoy. Pour votre santé, évitez de grignoter. Fun Radio présente Samedi 15 décembre au Parc des Expos de Montpellier. Retrouvez sur scène Charlotte DeWitt, Koch, Solomon, Laurent Garnier, Dixon, Tell of Us et bien d'autres. Info et réservation, point de vente habituel. iLoveTechnoEurope.com et funradio.fr. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Le son dance floor. Restez connectés avec la famille Fun Radio. later, bitches. C'est pas possible, il a déjà sa rubrique celui-là, sans déconner, il va tous nous bouffer, hein. Ouais, c'est pas vrai ça. Le ouais. Zap de Coco, imaginez Coco, ça fait combien de temps que t'es avec nous là maintenant Coco? Ça fait un petit mois, on a repris la saison quand? Ça fait un mois, ça fait un mois que le mec est au standard. Ça fait un mois que le mec est au standard, en deux mois. Ça fait deux mois que le mec est au standard et il a déjà sa rubrique sur Fun Radio, quoi. Avec Kylian Mbappé, il a déjà une Coupe du Monde, le mec. Ouais, attends, il va commencer à avoir le boulard, Coco. Non, parce que ça y est, on est déjà dans la comparaison de Kylian Mbappé. Couverture du Times Magazine. 19 ans, champion du monde. Peut-être la lettre pro bientôt, la lettre pro de la radio. La couverture. Ça, c'est un magazine de la radio. C'est un truc que seuls les gens qui travaillent en radio connaissent. Et encore. Si, moi, j'ai eu les honneurs de la lettre pro au moins une fois dans toute ma vie. Oh là là, mieux que le Times. Mieux que le Times, mon pote. C'est tout ce que je te souhaite. Hein. Ce sera pour toi une consécration. Quoi. Exactement. On dirait mon père qui radote sur les histoires de l'armée, tu sais. Alors justement, ton père, on va l'appeler, donc tu vas te calmer. Je te dis. Détends-toi. On va l'appeler pour savoir s'il a aimé ta rubrique. Ce soir, tu reviens sur une semaine d'émission, on t'écoute. C'est ça, ouais. Et tiens, on va commencer avec Kassim. Kassim, ça va ou pas? Ah oui, ça va. Ouais, effectivement, t'as vraiment une voix de merde, mon pote. Ça, c'est un sujet qui fait débat en ce moment dans l'émission, hein. On en parle. Ouais. Et Karel en fait souvent référence. Hé, hey, Kassim, t'as une petite voix de merde, tu fermes ta gueule. Bah, pas du tout. Tu fermes ta gueule. Et en fait, dans ma tête, tu vois, je me suis imaginé. Si Kassim prenait ta place, si Kassim prenait la place de Karel, ça donnerait quoi? Salut, c'est Kassim avec vous jusqu'à minuit sur Fun Radio, 01 42 48 5000, c'est Love in Fun, du sexe, de l'amour et du fun. Et tout de suite, on accueille Michel au téléphone. Salut Michel. Oh, ce serait vraiment bien. C'est horrible. C'est stylé, non? Tu m'étonnes, il n'y a plus de débat à avoir. Il n'y a plus personne qui écoute là sur ça, c'est sûr. Et tiens, heureusement qu'on est là en fait. Heureusement que Love in Fun existe, parce qu'il y a Love in Fun. Si Love in Fun n'existait pas, on aurait quand même de sérieux problèmes en France. Mais il faut aller voir l'urologue. Ouais. Un quoi, un neurologue? Urologue. Si tu vas voir le neurologue, il va rigoler. Encore un qui a une belle tête de bite quand même. Hein. Si je vous dis, écoutez bien, ça c'est Doc, c'est pour toi. De l'accent. Mais après tout, en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Oh là, dis donc. Ah, comme quoi, hein? Il est pas si con qu'il a l'air, celui-là, hein? Alors, je vous dis ça en fait, rien à voir. Ça, c'est un extrait du poème d'un célèbre auteur français des années 1900 qui s'appelait Miguel Samacoïs. Vous connaissez pas? Ah non, on connaît pas. Non. Eh bien, écoutez bien, dans un tout autre style, nous avons Miguel de Love in Fun. C'est un petit peu plus trash. Est-ce que t'entends ça? C'est le bruit de mes couilles qui tape sur ton cul quand je C'est très violent quand même, c'est très violent. Ah ouais. Et j'adresse un message à tous ceux qui envoient leur tub en photo sur les réseaux d'Alice, parce que gare à vous. Non mais tu connais son père qui est en Calabre, qui est resté en Italie. Non. Tu sais que quand Alice est partie de son Italie natale, son père lui a dit: Ma fille, je vais te donner 1 euro pour acheter un croissant. Mais je suis jamais rentrée. Elle est jamais rentrée, elle est avec nous tous les soirs. Alors le papa d'Alice, tu nous écoutes peut-être, hein, sûrement même. Tu le vouvoies par contre. Je le vouvoie. Vous nous écoutez peut-être. 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, hein, pour tous les zizi découpés. Vous vous rappelez de ça ou pas? C'est moi, le Père Noël. Bientôt Noël. Rejoins-nous en téléphonant avec tes parents au 3630. Et dis-moi quels sont les cadeaux que tu as choisis. 3630, allô Père Noël. 3630, le téléphone du Père Noël. Karel, t'as déjà fait ta liste, toi, pour le Père Noël? Ouais, bien sûr. Ouais, franchement, écoute, l'éjaculation dans la bouche, c'est le genre de truc, quand ça arrive, c'est quand même Noël, quoi. Ah, puis, le mec, il crée un sketch juste pour une phrase. C'est génial. Ouais, on tire tout ça. Tiens, aussi, il y a des moments dans l'émission que j'adore. C'est surtout aussi quand l'auditeur du soir nous murmure des mots doux à l'antenne. Kevin Fun et sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais demander à Ventolino. Ouais, qu'est-ce que tu foutais, Ventolino? J'étais aux toilettes et je pensais à toi, je te laisse imaginer ce que Ventolino. Ventolino. Je sais toujours pas le dire. Ventolino, consonance brésilienne. Bah oui, parce qu'en ce moment, moi, je m'entraîne à devenir animateur radio. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Entraîne-toi. Et quoi de mieux que d'apprendre aux côtés d'un cador tel que Karel, surnommé le Zidane du micro, le Howard Stern Bigoudin. D'accord. Bref, une étoile de la bande FM jusqu'à hier. Si vous voulez voir l'équipe de Love in Fun au travail, funradio.fr. Bien sûr. Et de temps en temps, on va trier. Et là, comme quoi, même les meilleurs, ça arrive d'échouer. Et quand Alice nous parle de sexualité, il y a Karel souvent qui s'excite comme ça. Montre-moi ta chatte. C'est violent tout ça. C'est parce que j'en peux plus. On est au courant. Ça fait 3 ans que je travaille dessus, j'ai toujours rien vu. Ah oui, on est au courant, Karel. J'ai même décidé de lancer une série sur votre love story. Les dudes de l'amour. Les dudes de l'amour. Ah, les dudes. Bah, fais gaffe, parce que dans le premier épisode, Karel, tu galères un petit peu. Et puis sinon, la place dans le lit et tout. Puis moi, je suis comme ça, je bouge dans tous les sens, je prends la couverture, ça me dérange. Alice, si on dort ensemble, je ferai un effort. T'inquiète pas, t'auras pas d'effort à faire parce que je pense que ça ne risque pas d'arriver. Tu sais quoi, en tout cas, je te l'aurais dit. Et garde-le dans un coin de ta tête. Oui. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, lors d'une délocalisation de cette émission, on se retrouvera peut-être dans la même chambre. Oui, tu dis ça à chaque fois. Et moi, je vais voir l'accueil et je dis surtout, le mec de la chambre 102, là, ou le machin, s'il vous demande les clés de ma chambre, ne lui donnez pas, je ne le connais pas. Pauvre Karel. Ouais, bah, je sais. Écoute, ça fait... Ouais, maintenant, j'ai laissé tomber. Non, ne laisse pas tomber, Karel. Ah bon? Nous sommes dans une love story, la dude story. et on se fait la suite jeudi prochain, dans le prochain Zap. Bon week-end. Bravo, Coco. Bravo. C'est parce que j'appelle Alice Dudes, c'est pour ça. Dudes. Bon, ça m'a fait quelque chose. Non, c'est vrai. De quoi? Non, je sais pas. Je repense à cette délocalisation où effectivement j'avais demandé le numéro de ta chambre et que la personne m'avait dit que tu ne souhaitais pas la communiquer. Exactement. Et maintenant je comprends mieux en fait. Voilà. Je donne des faux noms, tu sais, c'est moi. C'est comme une révélation. On appelle le papa de Coco. Ah bah oui, il faut des On appelle Coco et pour savoir s'il a aimé ou pas la prestation de son fils. Chaque semaine, il nous donne son Bien avis. Bien sûr, c'est Coco. Bah ouais, forcément. À chaque fois qu'on l'appelle, j'ai l'impression qu'on l'appelle trop tard. Faites gaffe, il est en vacances. Allô, Coco? Oui, bonjour. Buenas noches à l'équipe Loving Fun. Oh putain. Oula, il a pris l'accent, ça y est. C'est pas possible. Ça y est, bilingue. Il est en Espagne, là, en ce moment, là. C'est ça. T'es en Espagne, Coco? Si, c'est là en Espagne. Dis donc, tu serais pas un peu rebou? Ah ouais, à la tequila, c'est la sangria. C'est la sangria. Ça tape le front. Et bah, et alors, Clo-Clo, est-ce que t'as entendu ton fils? Ah, ce soir, j'ai trouvé pas mal du tout. C'est de mieux en mieux, hein. On est d'accord. Mais c'est l'alcool, ça, Clo-Clo. Et je vais suivre tous les jeudis la petite série, là. La love story. Oui, la love story, la douze, là. La douze story. J'ai l'impression, Clo-Clo, que ce soir, c'est compliqué de faire des phrases. Ah, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Ah, il est génial. Clo-Clo, on t'embête pas plus longtemps. J'ai une seule question à te poser. Est-ce que ton fils revient la semaine prochaine pour son zap de Coco? Bien sûr, et moi je serai un tout petit peu mieux. Clo-Clo, t'as été super, mais toi tu reviens toutes les semaines. Toi. Ouais, Clo-Clo, toutes les semaines. Parce que nous, on n'a pas encore fini l'apéro, alors faut qu'on commence. Mollo. 23h. Bah, en Espagne, oui, c'est normal. Oui. On mange à minuit. Clo-Clo, embrasse ta femme. Gros bisous. À bientôt. Bisous. Salut Clo-Clo. Ciao. Toujours de bonne humeur et toujours un peu pompette. Ça fait plaisir. C'est Clo-Clo. Dans un instant, l'examen sur Fun Radio. On va accueillir nos deux candidats ce soir. Antoine, 17 ans, de Cholet. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Damien, 24 ans de Dunkerque. Salut les amis. Salut. Bonsoir les amis. Dans un instant, vous allez jouer 10 nouvelles questions pour gagner le diplôme Love in Fun. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Jason Derulo sur Fun. Girl, I'm down for your loving. Down for my fatty fatty. Down for your loving. Down for my naughty naughty. Down for your loving. I'm giving you loving. Stay with me, cause it's time to say goodbye. Don't leave me alone. Just stay for the night. I need you tonight. Baby, you know that it's time to say goodbye. But don't leave me alone. Just stay for the night. I need you, I need you tonight. Baby, you know that it's dame solo un momento. Quiero sentir tu cuerpo. Yeah, yeah, yeah. Que ya no tengo tiempo. Tú y yo una noche de fuego. Oui, oui, oui. Te hablo francés, la si, si, si. Te explico que soy de ti, ti, ti. Parlez-vous français. Oui, oui, oui. Síguelo. My pen. Why you sell Nikki boot just to drive in? The way my foot pulled, just give me the Heisman. Touchdown. Cause it's time to say goodbye. Yeah. But don't leave me alone. Just stay for the night. Cause I need you, baby. I need you, I need you tonight. Baby, you know that it's time to say goodbye. I hate it. But don't leave me alone. Just stay for the night. I need you, I need you tonight. Papi chulo, ¿cuánto amas de este culo? Culo, culo, ¿cuánto amas de este culo? Say goodbye, stay tonight, one more time, one more time. Jason Derulo et David Guetta sur Fun Radio. Interro surprise. Passe ton examen dans Love in Fun sur Fun Radio. Tous les soirs, il y a un examen. Tous les soirs, il y a un diplôme à gagner. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. On a déjà distribué pas mal d'examens, pas mal de diplômes. Ce soir, il y en a un qui va partir. Alors, ce sera soit à Cholet, soit à Dunkerque, puisque nous accueillons nos deux candidats ce soir. Antoine est avec nous, 17 ans de Cholet. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, bonsoir. Salut. Bonsoir, Antoine. Tu penses avoir tes chances ce soir, toi? Bah écoute, alors j'ai eu deux brevets, donc tu sais quoi, ça me fait même pas peur. C'est pas vrai. Deux brevets? Comment t'as fait pour avoir deux brevets, toi? Secourisme? Oh là, oh là là. Non, même pas, c'est que bah, c'est très long à expliquer, mais ouais, c'est redoublement et tout. Enfin... D'accord, ok. Voilà. J'ai eu deux brevets. Ah ouais. T'as passé deux fois le brevet, quoi. Ouais. Faut le dire comme voilà, ça. Ok, Antoine. Files-en un à Cassim. Ouais. Il m'a piqué le mien. Ce soir, Antoine sera opposé à Damien, 24 ans de Dunkerque. Bonsoir, Damien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, salut. Bonsoir. Vous avez tous les deux un buzzer. Tous les deux un petit buzzer pour pouvoir buzzer afin de donner votre proposition de réponse. Le premier à buzzer pourra donner sa réponse. Et si jamais vous faites une mauvaise réponse, il y a toujours un droit de réponse pour l'autre. Ça fait beaucoup de réponses. Oui, c'est ça. Antoine, quel sera ton buzzer? Le Joe. Le Joe, c'est quoi le Joe? Le Joe, c'est un délire avec des potes à moi. Voilà. Très bien, un délire de drogué. Et ce soir, Damien, quel sera ton buzzer? Dunkerque. Ok, on y va ce soir. Antoine face à Damien, 10 nouvelles questions. Et top, c'est parti pour la première question. Citez-moi 3 sous-vêtements féminins. Dunkerque. Ouais, Damien. Alors, le soutif, la culotte et le string. Bravo, bravo, bravo. Attention, Antoine, il faut buzzer pour pouvoir donner sa réponse. Ouais, ouais. Bah ouais. Je me trompe ou t'es pas dans ton état naturel, Antoine? Si. Ouais, bien sûr. Pas moins. Attention, vrai ou faux? Vrai ou faux? Au Mexique, le sexe est autorisé dans les lieux publics. Dunkerque, Damien. Vrai. Quoi? Absolument, Antoine. Tu commences pas à dire quoi? Genre, tout le monde a entendu. C'est décalé pour toi, c'est pour ça. Et peut-être. On vous le répète à chaque fois, mais vous pourrez aller voir après, hein, en podcast, en replay, tout ça, ou même sur YouTube. Ouais. Les réponses arrivent. Absolument. Peut demander à Doc quelque chose, bien sûr. Hein, lorsqu'on fume des substances illicites, le temps de réaction, il est plus long, Doc. Hein. Ah oui, ça, c'est clair. Oui. Ah voilà, tu t'es pas aidé ce soir, Antoine, j'ai l'impression. Hein, alors, ce serait là. Si, ça va, Antoine? L'alcool fait la même chose. Ouais, ça va nickel. Ouais. Ah, ça va mieux. Il a été vif quand même, là, cette fois-ci. Hein. Bravo. C'est à Guadalajara que on peut faire l'amour dans les lieux publics. C'est la deuxième plus grande ville du Mexique. Il est désormais plus interdit d'avoir des relations sexuelles en pleine rue. La police locale était trop occupée à sanctionner des délits mineurs comme les ébats en public. Elle manquait de temps pour les crimes et les délits sérieux. Du coup, la mairie a décidé d'agir et vous pouvez faire l'amour dans les lieux publics. C'est ouf quand même. Hein. Au Mexique. C'est dingue, hein. Alice, tu viens quand au Mexique? Bah, je pense probablement jamais, maintenant que j'ai appris cette info. Bah voilà, ça fait plaisir, merci. Nouvelle proposition, nouvelle question. Laquelle de ces propositions n'est pas un fruit? Vous avez le choix entre ces trois propositions. La physalis, la syphilis ou le jaboticaba? Le dos. Allez, vas-y Antoine. Je dirais la première. Le physalis, c'est un fruit. Ouais. La cage d'amour. La cage d'amour, nous dit Doc. Oui. J'étais pas au courant. Ça, l'autre nom de la physalis, c'est la cage d'amour. Ah, c'est le mec qui connaît le nom de ce fruit. Quoi. Des fruits chelous, quoi. C'est quoi ce fruit, Doc? C'est un petit fruit qui est jaune-orange avec les feuilles qui sont autour, comme ça. Et donc, c'est la cage de l'amour. Et tu m'embêtes à tout savoir, toi. Hein? T'en déconnes, il est incollable, Doc. Alors, du coup. Bonne réponse de Damien. C'est parti, Damien. Ouais, moi, j'irai la 2. La syphilis? Ouais. Absolument, la syphilis. Ah, bah oui, enfin, Doc, qu'est-ce que la syphilis? Ah, c'est une maladie sexuellement transmissible. Voilà, mettez des capotes. En totale explosion en ce moment. C'est satellitaire. C'est vrai, en plus, en ce moment, ça revient beaucoup. Ouais. Et ben voilà, nouvelle question. Combien font 26 plus 13 moins 2. D'accord, le dos. Vas-y, Damien, trop fort. 37. Bravo. Bravo, Damien. Mais alors, ça, on n'est pas habitué, on applaudit. Hein, parce que. Mais ça va, hein. On a enfin des matheux. Vas-y. On a des matheux, là. Bien sûr, non, mais c'est vrai. T'avais préparé ton coup, t'avais ta Casio, toi, Damien, peut-être. Non, toute tête. D'accord, ok. 27 moins 12. Attends, t'as dit quoi? 27 moins 12. Ouais, c'est ça, ouais. 15. Ça va, c'est bon. Il était déjà en train de réfléchir. T'es le t'as dit quoi, pardon, tu peux répéter le temps que je réfléchisse. Petit récapitulatif des points, Alice, on en est où? Ah bah là, victoire écrasante pour l'instant, parce que 4 pour Damien et malheureusement 0 pour Antoine. Ça va, Antoine? Mais ça va, mais on m'entend pas quand je dis le zoo. Si, on t'entend, mais tu le dis un peu moins rapidement que Damien. Et même, sache qu'on t'a donné le droit de réponse alors que tu n'étais pas le premier tout à l'heure. Visiblement, Karel avait eu un peu de peine pour toi. Ah. C'est parti, vrai ou faux, le sexe de Napoléon lui a été enlevé après sa mort. D'accord. Ouais, vas-y, Damien. Vrai. Absolument. On aurait ôté le sexe de Louis-Napoléon Bonaparte lors de son autopsie, ainsi que d'autres organes. Après être passé entre plusieurs mains pendant des siècles, il a fini par être acheté en 1977 par un urologue dans le New Jersey pour 3 000 $. C'est ouf, hein? Le pénis de Napoléon. Ouais, en fait, ils lui ont enlevé certains organes, et notamment, ils lui ont enlevé le pénis aussi, lors d'une autopsie et tout ça. Je sais pas, ils se sont fait un petit kiff, et il a fini par être racheté. C'est dingue. C'est un délire, ça. C'est qu'on a souvent dit qu'il avait été empoisonné. Donc, il y a eu plein de recherches, d'études, etc. Ça a dû servir certainement à ça, les autopsies. Ouais, voilà, sachez. Ou mouler des godes, on sait pas. Tout est possible. Le sexe de Napoléon, oui. 3 000 $, le truc, sans déconner. À l'époque de Louis XIV. Que pouvait-on retrouver derrière les rideaux du château de Versailles? Allez-y, faites des propositions. Alors là. Le Joe. Ouais, vas-y Antoine. Des toilettes. Allez, pour moi, c'est accepté. Hein. On l'accepte, notre huissier de justice. Notre huissier de justice, maître Pavageau. Et l'autre, il est tout content, j'ai un point. Bravo Antoine. On va dire que derrière les rideaux, cela servait de toilette. Ah, c'est ça. C'est, mais bon, c'est pas totalement juste. Hein. À cette époque, il y avait quand même beaucoup de toilettes dans le château de Versailles. Seulement, il y avait beaucoup de monde. La cour était très, très grande. Et, enfin, beaucoup de personnes. Et donc, bah, il y avait des moments où on ne pouvait pas aller aux toilettes. Et, bien sûr. Et j'en faisais... Bah, caca. Voilà. D'où vient cette expression, le trône, Doc? Bah, le trône, c'est celui de Louis XIV, qui, le matin, dans le premier rituel qu'il avait, il était sur son trône, qui était une chaise percée, et on continuait à l'habiller, à le peigner, à le coiffer, tout en recevant du monde. Alors, c'était vraiment un certain nombre de gens qui pouvaient être invités dans cette première partie de sa chambre. Voilà, mais c'était son... trône. Il faisait caca, quoi. Et voilà. Mec, et il faisait. Il démoulait son cake. Voilà. Tranquille. Tiens. Et ben voilà. Et vous en savez un petit peu plus. Elle est bien, cette émission, Antoine et Damien. On apprend des trucs, hein, quand même. Ouais. On en apprend tous les soirs. Eh ben bravo. Bravo. Antoine, ça va? Ouais, nickel. Ok. Complétez cette expression, avoir plusieurs cordes à. Dunkerque. Ouais, vas-y, Damien. À son arc. Oui, bien sûr. Tu savais pas ça, Antoine, hein. Tu savais pas ça. Trop con. Oh, mais non, c'est pas le moment de te faire une remise en question, hein, tu sais, Antoine. Alors, franchement, Antoine, tu sais quoi, parce que t'as enfin un peu de lucidité, je te mets 2 points. Je te rajoute 2 points. C'est vrai, c'est gentil, ça, franchement. Mais ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant, de toute façon, j'aurais pu t'en rajouter 4 que ça suffisait pas. Le tout premier film X est français, hollandais ou japonais? Dunkerque. Ouais, vas-y, Damien. Français, on doit le premier film érotique aux deux Français Eugène Pirou et Albert Kirchner en 1896. Ça s'appelait Le coucher de la mariée, ça durait 7 minutes et ça incluait une scène de striptease. Épelé, le mot hymen. Le Joe. Ouais, vas-y Antoine. H-Y-M. E-N-E, enfin accent grave. Oh là là, tu étais presque. Droit de réponse, Damien. Y-I-M-E-N. Allez, tu dégages. Toi. Y-I-M-E-N. C'est un entre deux. Alors, voilà. Maître Pavageau, comment écrit-on hymen? H-Y-M-E-N. Et bien sûr, je rappelle que c'est H-Y-M-E-N. Voilà, c'est la petite croûte que les filles ont. La petite croûte, si merde. C'est une petite peau. Non, c'est membrane, ça, voilà. Est-ce que ça ressemble un petit peu comme, tu sais, comme dans les bigorneaux? Quand tu prends. Non. Tu sais, il y a un petit truc. Et l'excrément du bigorneau, tu veux dire? Le voile bien dur, là. L'opercule. Ah, okay. C'est pas un opercule. Hein. Non, c'est quoi alors? C'est plutôt comme un voile, c'est comme une petite peau. Ouais, bah c'est un peu c'est comme. C'est un rideau. C'est comme un hymen, non? Non, parce que moi, je me suis toujours posé la question à quoi ça ressemblait à un hymen. C'est genre, c'est filandreux, c'est ça, comment? Ça peut être assez distendu, mais sinon, c'est plutôt comme, on va dire. Une toile d'araignée? Un peu. Comme un morceau de voilage. Un morceau enfin, de vois, voilage. Et ben voilà. Mais ça Ali Baldaquin. Non, mais si je tape hymen sur internet, je peux en voir un. Oui, bien sûr. Tu peux même en acheter, je suis sûr. C'est pas vrai. Des petites croûtes séchées. Ouais, salut, j'appelle parce que je collectionne les hymen. Allez, on continue avec une nouvelle question et ce sera la dernière. Donnez-moi le nom de la rubrique de Love in Fun où on peut tester sa fidélité. Le Joe. Ouais, vas-y, Antoine. Sexy chocolat. Bravo, bravo Antoine. Bravo Antoine, mais c'est une victoire de Damien. Alors je crois que Antoine a déjà redoublé 2 fois et ouais. il va retripler. Parce qu'Antoine, je suis désolé Antoine, t'as peut-être pas été assez rapide ce soir. En tout cas, Damien a mieux joué que toi pour le coup. Damien, c'est la victoire. Ouais. C'est le diplôme bientôt chez toi à la maison et la satisfaction d'avoir gagné ton examen sur Fun Radio. Félicitations Damien. Ça a été bon. Hein. Merci beaucoup. Oh l'âme. Tu veux peut-être remercier ce soir quelqu'un en particulier, j'imagine. Ouais, tes parents, ton agent. Non, ma copine, ça sera bien. Eh ben voilà, et ben tu vas faire l'amour, je l'espère, ce week-end, Damien, grâce à ce nouveau diplôme que tu vas ramener chez toi. Bravo à tous les deux en tout cas. Salut Antoine, salut Damien. Salut. Merci beaucoup, salut. Salut les gars. Et Marco va nous rejoindre sur Fun Radio. Alors Marco, t'es là? Oui, je suis là. Je me suis permis de vous appeler parce que j'ai une question, en fait. Et je sais pas que ma femme, elle veut que je suce une bite et je sais pas comment m'y prendre. Voilà, pour... Alors, ça, c'est une histoire de dingue. Marco, sa nana lui a dit « Je veux que tu suces une bite, ça va m'exciter et on fera l'amour. » Restez bien avec nous, on en parle dans un instant. Après, ce son-là que j'adore. Benny Blanco sur Fun Radio. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh, no, your daddy didn't like me much. And he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun all set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Starting to light together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your whole life and you put a line through it. Our love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to date. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away. Play with me. Run away now. Run away now. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. The city with the sun all set. Qu'est-ce que c'est bon ça? East Side, c'était Benny Blanco sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit, du sexe, de l'amour et du fun. C'est Lovin' Fun sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi, c'est Love in Fun, 22h minuit. On est là et on sera là pendant toutes nos vacances. Eh oui. Si vous voulez retrouver les podcasts de l'émission sur l'application Fun Radio, n'hésitez pas. T'es d'ailleurs, vous allez faire quoi ce week-end, l'équipe? Doc, tu vas à Toulouse, toi, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Je vais voir ma très chère mère. Ah, c'est bon. Et ça. Retrouver ma ville de mes cœur. Études. Ah. De mes études. Non, de cœur, non, mais de mes études. J'y ai passé 10 ans. Ah bah quand même, j'ai encore des amis là-bas. Ah bah on embrasse les Toulousaines que tu as pu rencontrer là-bas, bien sûr. Un petit week-end à Toulouse, famille avec Doc. Toi Alice, tu vas faire quoi toi? Moi je rentre à Metz pour le week-end. Je repars demain et puis voilà, petit week-end sympa. Je vais voir des potes et puis il paraît qu'il fait encore beau là-bas. Ah putain, bah ça va là. Encore plus beau qu'ici. Ok. Ouais, Kassim, ouais. Tu vas faire quoi toi ce week-end? Moi j'ai ma cousine qui se paxe à Lyon. D'accord. Ma cousine Cléo, ouais. Ah, du coup, j'y vais. Je la connais pas, elle. Je crois que tu l'as déjà vu deux fois, ouais. Ah ouais, ouais Cléo. Ouais. Elle est très mignonne, mais elle se paxe. Ah ouais, c'est parce qu'elle devait être avec son mec. J'avais pas percuté. Coco, tu vas faire quoi, toi, Coco, du standard? Jouer à Call of. À Call of. Bah, dis donc. Un petit Call of Black Ops 4. Yes. Vas-y, on va s'ajouter, on va jouer tous les deux. Ah, l'honneur. Je vais t'apprendre à jouer, mon pote. Cool. On pourra parler de la Dude Story. Comme tu veux. Et alors, Méloche, tu vas faire l'amour ce week-end ou pas, Méloche? Non, je vais pas faire l'amour. Je suis désolée, mais je vais fêter mon anniversaire. Ah bah mais oui. Sans striptease, c'est un peu dommage. Ah, je rappelle la vidéo de Méloche sur YouTube, hein, si vous voulez voir Méloche avaler une banane comme jamais vous l'avez vu. Une banane avalée. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Moi, je vais aller au Salon Paris Manga et Sci-Fi Show. Putain, ça a été énorme. Franchement, j'attendais. C'est une fois par an. C'est un salon incroyable. Et bah, j'espère que je croiserai peut-être des auditeurs là-bas parce que c'est un salon où il y a de plus en plus de visiteurs. Ouais, il y a du monde. Ah ouais. Et il y a plein de salons là en ce moment. Il y aura aussi bientôt la Paris Games Week. Oui. Que vous allez vivre en direct sur Fun Radio. On y fera un tour aussi. Et puis là, on a une question à la con. C'est Jonathan, notre auditeur du soir, qui a une question à la con. Allez, top à la question. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Ah, et voilà qui fait plaisir à Doc. Tiens. J'ai cru qu'on l'avait oublié. Eh non, t'inquiète pas Doc. Une question à la con, c'est Jonathan, notre auditeur du soir, qui veut poser une question à la con. T'écoute et Jonathan. Tout à l'heure, j'étais sur le trône, comme Louis XIV. Et j'avais le TGV qui rentrait en gare. Et je me posais la question, quelle était la meilleure technique pour sécher le cul, si c'était par devant ou par derrière? Pour se torcher les fesses. Alors, oui, ma foi. Chez un homme, peu importe. Voilà, moi, c'est par derrière. Chez une fille, en revanche, voilà, y a des règles, effectivement. C'est d'avant en arrière. D'avant en arrière, pas d'arrière. D'avant en arrière. Voilà. Et combien de feuilles? On dit toujours pas plus de 3 feuilles. Putain, mais attends. 4 en général. 4 comme ça, je suis sûr. Ah ouais, c'est clair. D'accord. Oh putain, ah ouais, non. Mais sinon, pour un homme, on s'en fiche, quoi. Tu peux faire mais des pour, ronds, pour les faire filles, des bah, U. Bah, alors, explique pourquoi pour les filles, on fait comme alors, ça, Doc. On fait comme ça parce que ça veut dire que si tu fais d'arrière en avant, il y a les germes de derrière qui peuvent passer devant et donc du coup faire des infections urinaires. Ah, tu mets du et caca les... dans ton clito, quoi. Voilà. Et les filles peuvent être sujettes facilement aux infections urinaires. Donc si tu fais d'avant en arrière, là, il n'y a pas de problème. Oui, alors que vous, la merde sur les couilles, ça vous dérange pas plus bah, que ça. Pas du quoi. Tout. Non, non, bah, ça, oui. Ça ne rentre pas dans l'urètre pour non. remonter jusqu'à la vessie. Ah, mais après, on va c'est dire qu'on. Est... Non, mais c'est dégueulasse. Jonathan. Non, on va dire qu'on est trop pipi caca, mais c'est vrai que. Enfin. Se torcher le cul, il faut être minutieux et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas pris le concept des toilettes japonaises en France. Ah oui. Parce que le petit jet d'eau, hein, pour l'avoir testé une fois dans ma vie, c'est quand même incroyable. Oui, il y a ça, ou sinon dans les pays d'Afrique du Nord, tu as le petit jet aussi. Ah bah je ne savais pas de ça. Quoi, donc, le petit jet. Ils utilisent un, enfin c'est comment on va appeler ça, une mini douche quoi, mais qui est sur le côté ou comme où des le bidet. Bidets à l'époque. Ouais, c'est quoi. Ça, comme les bidets. Ouais. Ah ouais, ok. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu sais, on a des bidets dans les salles de bain. Tout à fait. Et alors ça sert. On les utilisait davantage qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a plus dans les salles de bain. Et, alors, ça sert à quoi le bidet? Ça sert à se laver le cul ou ça sert à se laver les pieds, Doc? Bah tu peux laver tout ce que tu veux, mais tu pouvais notamment laver les fesses après être allé à la salle. Qui a un bidet chez lui? Non. Hein? Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est les trucs qu'on retrouve chez nos grands-parents, tu sais. Le PQ, c'est mieux. Les vieux. Ah bah oui. Jonathan, on t'entend pas quand tu parles. Qu'est-ce que t'as dit? Le PQ, pour sécher le cul, c'est mieux. Eh bien, bah oui. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, on a des choses qui sont imprégnées de produits, donc. Donc il faut faire attention. Non, pour se laver le cul après, c'est-à-dire que après le papier cul, tu utilises les lingettes. Alors on va arrêter de parler de ça parce que on va retrouver Marco. Il a 21 ans, il est de Paris. T'es là, Marco? Oui, bien sûr, je suis là. Alors, à chaque fois qu'on va chercher Marco, j'ai l'impression qu'il est en train de faire un autre truc. Il court. Et après, oui, Karel. Oui, je suis là. Surtout que tu vas nous parler de ta copine qui t'a demandé de sucer une bite pour que ça l'excite. Ah oui, c'est quand elle m'a dit ça, je suis devenu dingue, mais je pensais pas qu'elle allait m'en parler. Et je crois que c'est son fantasme en fait. Elle a dit j'aimerais bien que tu puisses sucer une bite parce que je fais mais pourquoi tu me demandes ça quoi? Elle fait j'aimerais bien que tu puisses sentir ce que je ressens quand je te suce. Voilà. N'importe quoi. Et je sais pas comment m'y prendre quoi. Ça les attends Marco. En fait, bah vas-y tranquille, une main puis la bouche. C'est comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Mais moi je suis pas bi quoi. Ça fait combien de temps que tu es avec elle? Ça va faire presque 12 mois là. D'accord. Okay. Non mais Marco, c'est peut-être ah non un peu, quoi. C'est peut-être un peu tôt en même temps non pour ce genre de truc. C'est un peu bon je sais pas. Ça n'a aucun sens. T'es amoureux d'elle? Oui. Elle, c'est elle aussi, a priori. Faire. Oui. Après, ce que tu peux lui dire, c'est je comprends ta demande. je peux comprendre que tu aies envie que je sache ce que c'est, mais j'ai juste pas envie de le faire. Voilà, hein, c'est tout. Ok. voilà, il était pas. Parce qu'elle le prenne mal, quoi. Elle le prendra pas alors... plus mal que toi, tu le prends mal à l'heure actuelle, hein. Attends, c'est bizarre. Si elle le prend mal juste pour ça et que c'est un sujet de dispute, ça devient quand même assez étonnant pour votre relation. Je veux dire, faut quand même que ça y donner l'importance que ça a. C'est-à-dire pas grand-chose. Elle veut que tu comprennes. Bon, d'accord. Elle m'a dit, si tu veux, bah, c'est toi qui choisis la bite que tu vas sucer, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, oui, oui, bah, encore heureux. Mais, oui, non, c'est quand même une idée assez étrange. C'est j'avais jamais entendu ça encore. Alors, Marco, c'est intéressant. Je sais pas, moi, je lui demande pas de vérifier une foufoune. Eh ben, demande-lui, tiens. Comment ça fait quand je le fais. Ouais, demande-lui. Est-ce que tu lui as parlé de, écoute, oui, mais alors dans ce cas-là, il faudrait que toi, tu lui fasses un cunnilingus. Je lui ai dit. Oui. Et alors? Je lui ai dit. Mais elle m'a dit c'est pas la même chose. Une fille, elle est toujours, en fait, elle a toujours des fluides, etc. Et des fois leur mouille, elle est forte, etc. Mais quand tu suces un gars, il mouille pas tout de suite. Voilà. Ah bah ça dépend lesquels. Hein. Oui, c'est tout. Il y a des filles qui mouillent moins aussi, hein. Et puis il y a des garçons qui mouillent plus. Donc si je peux me permettre. Oui, tu peux te permettre. Si je peux me permettre, Marco, pourquoi elle t'a demandé ça concrètement? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? C'est pour que tu saches que elle peut ressentir quand elle te suce? Parce que franchement, je vois pas l'intérêt. On en a rien à foutre. Mais je veux dire, Marco, oui, t'es bête. C'est pour que je sente. C'est pour que je sente qu'est-ce que ça lui fait à elle quand je suce. Et oui, après, tu vas te faire pénétrer aussi pour comparer. Je me suis dit, oui, mais dans ce cas-là, il faut que tu te fasses poser un vagin aussi. Ah, oui, non, mais c'est débile. Opération mammaire. Tu peux appeler ta copine ou pas? Tes sensations, c'est... Moi, sincèrement, tellement je l'aime, je suis prêt à aller loin. Voilà. Ouais. Mais ça n'a aucun intérêt. Jusque-là. Pour m'y prendre, quoi. Mais ça n'a aucun intérêt. Non, tu es prêt à aller loin. Oui, elle t'a dit un truc comme ça, genre j'aimerais bien que tu ressentes. Ça lui fait plaisir. Ah, donc tu vas le faire. Si ça lui fait plaisir. Mais n'importe quoi. Tu es prêt quoi, à le faire, c'est ça. Tu sais ce que je vais faire? Je crois que je vais acheter un god. Et je lui ai dit, oh, bah voilà, fais comme si c'était une vie. Mais bien voilà, sûr. Ça suffit largement. Mais bien sûr. Elle était bizarre, Marco. Tu sais, moi, je suis la voix des auditeurs. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui se disent, il est bizarre, lui. Bah, grave. Non, mais c'est chelou ce que tu demandes, même ta copine. Je pense pas qu'elle va insister pour ça. Si tu lui dis, bah, écoute, non. Tout simplement, elle va pas péter un câble, tu vois. Au pire, elle te fout des doigts dans la bouche. Et puis voilà, elle te verra sucer un truc. Mais j'entends que Marco a un peu envie de le faire. Mais bien sûr qu'il a envie de la sucer, la table, Marco. Ouais. Ça alors, s'entend. Marco, si t'es homosexuel, c'est tout autre chose. Elle veut peut-être un plan à trois. Ça peut être une petite friandise pour toi. T'as envie, t'as déjà eu envie d'un homme? Non, pas du tout. Non, jamais masturbé en pensant à un mec? Non. Parce que moi, après, c'est pas parce que tu ferais ça que tu serais. La bite, ça m'excite pas du tout. Alors, le fait pas. Alors, pourquoi tu le ferais? Enfin, je veux dire, là, ta nana, elle te demande d'avoir un rapport homosexuel avec un autre homme, et on parle de ta sexualité. La sexualité, c'est quand même vachement personnel, et si t'as pas envie de... Mais parce que... On a commencé à parler des fantasmes, en fait. Je t'ai dit, c'est quoi ton fantasme, mon cœur? Après, elle m'a dit ça. Voilà. Bah oui. Mais ce qu'elle aimerait... Peut-être qu'elle aimerait d'autres choses aussi. Jusqu'à un point où je pourrais partir jusqu'à là pour lui faire plaisir. Oui, mais elle aimerait que tu fasses ça. Et que ça t'excite, toi aussi, que tu prennes du plaisir à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le fais, mais juste pour elle... Voilà, c'est ça. Donc ça n'aura pas de sens de le faire. Elle voudrait que tu prennes du plaisir à faire ça, que tu kiffes, que ça l'excite. Et peut-être même qu'après, ça parte en plan à trois avec le mec. On n'en sait rien, tu vois. Mais toi, tu vas pas prendre ce même plaisir. Bah, c'est possible, c'est possible. Jonathan, après, on va finir échangiste si ça continue. Eh ben oui. Bon, ça, il y en a qui y arrivent effectivement, mais il faut que les deux aient envie de ça. Si t'es amoureux, moi je serais jaloux. Je pourrais pas voir ma fille. Je pourrais pas voir ma copine en train de se faire sauter par un mec. Lapsus chelou quand même. Hein ouais. Non mais c'est surtout que c'est un autre délire, Marco. Ouais. Là, puisque vous étiez en train de travailler sur les fantasmes, continuez sur la voie des fantasmes. Tu lui as demandé quel était son fantasme, elle t'a dit ça. Bah, dis-lui, ah, ok, qu'est-ce que t'as d'autre comme fantasme? Celui-là, tu passes dessus. S'il y en a d'autres de plus intéressants, au moins des trucs que vous faites au sein de votre couple à deux. Excellent. Ouais, c'est vrai. Je me disais qu'il était bizarre. On dirait qu'il est en train de se branler en t'écoutant, Marco, là. Bah, écoute, Marco, en tout cas, on t'a dit ce qu'on en pensait, hein. Dis-nous, Et puis, sinon, utilise un god, oui, vas-y. Oui, c'est peut-être mieux, ouais. Enfin, c'est quand même une demande un peu particulière, hein. Jonathan, ta copine te demanderait d'aller sucer un autre mec juste parce que ça l'excite. Tu le ferais ou pas, toi? Ouais, c'est putain, elle est malade, elle se prend une bite dans le cul, c'est tout ce qu'elle va faire. Non, ouais, putain, s'en est cru. Mais t'es fou, toi, quoi. Il t'a tout de suite, quoi. Jonathan, tu restes avec nous. Dans un instant, on va parler des trucs qu'on a cachés aux parents. Hein. Et c'était tout à l'heure, là. Vous avez été nombreux à réagir au 01 42 48 5000, parce que c'est vrai, on fait souvent des trucs dans le dos de nos parents. Il y a encore pas mal de témoignages, pas mal d'anecdotes assez sympathiques, là, d'ici quelques minutes. Vous bougez pas. En attendant, on va écouter les Keymotion, artistes Fun Radio. Voici Over That Girl dans le Vin Fun. Fun Radio, Keymotion sur Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. On a tous caché des trucs à nos parents. Et parfois, on s'est bien fait engueuler. Hein, c'est clair. Parce que quand tu caches un truc et que ça finit par se savoir, généralement, ça ne se passe pas bien. Mais il y a des trucs qu'on a réussi à cacher à nos parents, comme Alice, et que finalement, on n'a jamais dit. Et c'est pas ce soir, à mon avis, que. Bon, non, c'est jamais. Ah ouais, non, non. C'est ça, c'est assez fort ça. Ah ouais, moi il y a des secrets que je pourrais enterrer avec moi. Ah ouais, putain. Sans problème. Putain, et non, il faut les écrire, et à un moment donné, on peut le savoir quoi. Non, non. Non, même pas. Non, j'ai pas envie d'être une déception, tu vois. Ah ouais. De lire la déception dans le regard, c'est genre, oh, t'étais comme ça alors. Tu l'as fait. Non mais il y a prescription au bout d'un moment. Oui, pas. Enfin j'ai tué personne hein, pour ceux qui se posent la question. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a l'impression que... On va accueillir. Il y a des cadavres, chérie. Ouais. Ça, je peux vous le dire. On va accueillir Kevin, 25 ans de Limoges. Bonsoir Kevin. Et bonsoir toute l'équipe. Salut. Ouais, bonsoir Kevin. Sois le bienvenu sur Fun Radio. T'en as fait des conneries toi quand t'étais plus jeune. Oh oui. Hein. Et des vertes et des pas mûres, moi j'ai envie de dire. T'en as caché des saloperies à tes parents. Hein. Ouais, mais quand ça finit par se savoir, ça fait mal. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Alors raconte-nous. Mon histoire, elle est un peu bizarre, mais c'est pas mal. Elle a bien terminé, on va dire. Alors, voici l'histoire de Kevin. Et rassurez-vous, c'est une histoire qui finit bien. Ah ouais, tout à fait, ouais, c'est rare. Donc en gros, j'étais parti en soirée en boîte de nuit. Donc bah pour rencontrer un peu à droite, à gauche, voilà. Hein. célibataire, 17 ans, jeune, et surtout fougueux. Bref, je rencontre une fille, je l'invite à boire un coup, on passe la soirée, on se bourre la gueule, mais alors d'une vitesse flambant neuve. Ouais. Mes parents n'étaient pas là, donc moi, quand je suis rentré, on a fait la chose, et en gros, dans le lit de mes parents. Alors d'accord. Qu'ils n'étaient pas là, eux étaient en soirée, en fait, ils étaient au resto. Pour leur anniversaire de mariage, en plus, c'est ça le pire. Ah putain. Du coup, on passe la nuit tranquille, voilà, on s'endort, moi à poil avec elle, et en gros le matin à 5h30, ils devaient rentrer vers 8h, à 5h30, ils rentrent bien plus tôt de leur soirée, et en fait ils me grillent à poil avec la gonzesse dans le lit, quoi. Alors papa est venu te voir pour te dire vas-y, bravo mon fils. Non, c'est pire. Il que a pris ça, la c'est suite. Pire que ça. Et la suite, en gros, si tu préfères, ben mon père. Attends, stop. Doc, tu veux pas dire ça, enfin. En gros, Doc, c'est le pire. Il l'a levé, il lui a dit bon, toi tu dégages et t'approches plus mon fils et tu reviens plus à la maison. Mais non. Putain, daron, chiant. En mode protecteur à balles alors qu'il en a rien à foutre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais. Et du coup, moi, je me suis levé tranquille, j'étais m'habiller, prendre mon café avec le père, tranquille, on a discuté. Ils ont été se coucher. Et puis dans les draps. Après, moi j'ai. Après ils se démerdent, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, moi. J'ai fait mon histoire après perso, donc voilà, tu vois, j'ai tapé ma soirée, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, moi je zappe l'histoire deux trois semaines après. Mon père revient me voir, il me dit dis-moi, te rappelles la soirée? Je dis ouais, je m'en rappelle bien. Il me dit ça va, t'es pas moche non plus, tu te tapes pas que des tons, quoi. Ah, il était fier, hein, quand même, hein. Ouais, en gros, il avait une part de fierté. Mais ce qui m'a caché, c'est qu'en fait, il a mis un verrou à sa porte carrément pour que je ne rentre dans sa chambre. Ah ouais, putain. Il a appris, voilà, quand quoi, même. Donc voilà. On peut même plus faire l'amour dans le lit des parents, sans déconner. Ouais, non, c'est pas marrant, merde. Ah bien sûr. En plus, j'ai pu me permettre de tâcher leurs draps, comme ça, c'était pas les miens. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Surtout si tes parents ont dormi dedans et tout après. Kevin, tu leur as raconté, tu leur as tout dit, de toute façon. En même temps, ils t'avaient. En même temps, ils m'ont grillé, donc voilà, j'avais pas trop le choix. Mais t'as déjà caché des trucs, là? Parce que si t'as un truc à leur dire là ce soir, c'est peut-être le moment. Cacher des trucs à mes parents, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Est-ce qu'il y a un truc inavouable que t'as déjà fait, par exemple? Un truc inavouable qu'ils savent même pas, c'est qu'ils sont grands-parents. Mais non! Attends. Si, et ma fille a 13 ans. Le 29 novembre, de cette année. Et c'est mais ça, ton truc inavouable. Ah non, ils sont pas au courant du tout. Et bah, du coup, voilà, s'ils m'écoutent, ils seront au courant. Attends, t'es en train de nous dire que t'as caché l'existence de ta fille? C'est-à-dire que la fille, ouais, avec qui t'as couché dans le lit conjugal? Non, pas du tout. C'était une autre. Hein. Il y en a eu pas mal à 17 ans. Mais t'es en froid avec tes parents, alors? Ouais, je suis en froid avec mes parents depuis pratiquement 12 ans maintenant. Attends, et t'as eu un enfant à quel âge? Je l'ai procréé à 18 et je l'ai eu à 19, quoi. Elle a quel âge? Là, elle va avoir 13 ans le 29 novembre. D'accord. Et elle s'appelle Coralie. Ok, putain. Ah, délire. C'est fou, et tu l'as vécu comment, ça, toi, d'être papa aussi jeune et tout? Est-ce que tu as réussi à l'accepter ou ça a été compliqué? Quand tu veux un enfant et que tu l'assumes, tu l'assumes jusqu'au bout. Et puis, quitte à signer la santé, tu te signes la santé. Voilà. Tu assumes jusqu'au bout la chose, quoi. Ok, donc c'était vraiment voulu, quoi. C'était pas un accident. Tu voulais enfant à cet âge-là. C'était pas un accident, c'était voulu. Je voulais me poser et tout. Et en fait, j'ai une autre histoire avec la mère de ma fille, quoi. Du coup, je peux pas dire. Voilà. T'es encore avec elle, là? Non, malheureusement, non. Malheureusement, je la regrette, mais bon, c'est elle qui a fait la connerie. Et pourquoi tu dis pas à tes parents que t'as un enfant, quoi? Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils seraient contents. Parce que moi-même, je la vois plus, en fait. Voilà, ah, tu vois plus ta fille. C'est une histoire de ouf, c'est une histoire de malade. Ça fait 8 ans que j'ai pas de ses nouvelles. Oh là là, c'est atroce. Ouais, donc du coup, tu vois, vivre avec ça, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, on fait avec. Hein. Ah, et Kevin, je pensais pas qu'en te posant cette petite question, on allait avoir un truc dans ce genre et tout. Je suis désolé si j'ai soulevé le tapis. Non, mais moi, il n'y a pas de souci, j'en parle, tu vois, aujourd'hui, j'assume, hein, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis, je me dis que voilà, elle a 13 ans, là, cette année. À partir de ses 13 ans, elle peut demander où il est papa, où elle est maman. Voilà, elle peut faire des démarches. Moi, je sais que j'ai tous mes papiers, tout est nickel. Il il faut que tu te rapproches de ta fille, voilà. Quand même, que tu essayes de la voir. Tu sais où elle est ? Malheureusement, sa mère me l'empêche. Et non, je n'ai ni l'adresse, ni numéro de téléphone, ni rien du tout. Mais c'est plus dur, en fait. Quand on est... alors, je sais tu pas, l'avais reconnu que... C'est ça, tu l'as reconnue, cette enfant ? Je l'ai reconnue reconnaissance anticipée, donc elle porte mon nom en premier. Et là, je suis en train de remonter une situation stable, donc société, maison, chambre pour l'accompagner, pour l'accueillir et demander le droit de visite, quoi, le droit de garde, un minimum. Ouais, bah oui, ouais, oui. Bon, bah voilà, t'es en train de faire mais ce qu'il faut. Mais voilà, tout à fait. Bon, ça prend le temps que ça prend, malheureusement, je vis avec, mais c'est comme ça. Oui, mais bah, ça va venir. Oui, oui, oui, tout à fait. Bon, après, mes parents, je sais que s'ils l'apprennent, ils vont devenir fous, ça c'est clair. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, en général, ils sont contents d'être grands-parents. Ouais, je crois. Ouais, mais pas dans ma famille en fait. Ils sont pas dans ce délire-là, quoi. Oui, écoute, bah, écoute, de toute façon, l'important c'est que tu retrouves ta fille. Après, eux, c'est une autre histoire. Et mieux placé hein, pour savoir tout voilà. Ça, Kevin. Hein. Après nous. Mon importance, c'est de récupérer ma fille voilà. De temps en temps, et puis voilà. Après, tant que je sois heureux avec elle, le reste. Voilà. Bah merci Kevin en tout cas de t'être confié là ce soir en direct sur Fun Radio. On va accueillir Lucas, Julien. Lucas d'abord, t'es là Lucas ? Ouais, je suis là. Salut Lucas, t'as été tiré en deuxième position Lucas. Alors, est-ce que t'as caché des trucs à tes parents toi ? Ouais, exact, ouais. J'ai caché un petit truc. Enfin un petit, ça presse à voir, mais en gros pour raconter un peu l'histoire. C'est que j'étais en conduite accompagnée, donc j'avais 17 ans et en fait je devais rejoindre mon ex du coup à l'époque et je devais aller lui rendre des bouquins, donc un truc tout con. Et le jour de mes 18 ans, j'ai décidé finalement de prendre la voiture alors que j'étais encore en conduite accompagnée et du coup en gros comme quoi voilà j'avais pas vraiment le permis. Et pendant le trajet je me suis fait contrôler par la police. La gendarmerie. Ouais. Et en fait, quand on a commencé à me contrôler, il y a un de ses collègues en fait qui est arrivé. En fait, c'était le père de mon ex. Donc, il a réussi à faire un petit truc et du coup, je suis passé tranquille parce qu'il me connaissait. Mais lui, à ce moment-là, en fait, il savait pas qu'avec sa fille, j'étais plus avec. Oh putain. Donc, je suis passé tranquille. Ah, ouais. J'étais rendu les bouquins à mon ex du coup, et puis après je suis rentré. Et puis ma mère, finalement, elle l'a jamais vraiment su. Mais c'est moi, un moment dans une discussion, c'est arrivé. Et du coup, je lui dis, maman, voilà, j'ai pris la voiture alors que j'avais pas le permis. Ok, et alors elle a dit quoi ? Elle était étonnée et pas forcément en colère parce que du coup ça faisait un petit moment que ça s'était passé, mais un peu déçue quand même de ma part. Étonnée que son fils puisse faire une chose pareille. Comment t'as pu faire ça, Lucas ? Prends la voiture comme ça alors que t'étais en conduite accompagnée, alors que moi j'ai roulé 3 ans sans permis. Hein ? Non, t'as pas fait ça. Toujours plus que les autres, tu sais. Non, c'est pas vrai. Elle est pas élevée comme ça quand même. Enfin... Mais bien sûr. Lucas, reste avec nous. Julien aussi est là. Bonsoir, Julien. Salut la famille. Salut, Julien. Alors, est-ce que t'as fait une grosse connerie toi aussi ? Ouais, elle est pas très grosse. Ah, vas-y, raconte. Mais en fait, mes parents, ils sont partis en week-end et ils m'ont demandé de garder ma sœur. Le problème, c'est que j'avais pris rendez-vous avec ma meuf. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas baisé. Mais je devais garder ma sœur. Ok. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé un pote, il a gardé pour moi et mes parents, ils l'ont jamais su. Oh, ça va, franchement, Julien. Elle avait quel âge ? Ma sœur, 2 ans. Non, mais ta sœur, ton pote, il avait quel âge ? Mon pote, il avait le même âge que moi. Voilà, il a fait du babysitting. Ah ouais, grave. Mais donc, t'es vraiment un voyou, toi, putain, Julien. Rebelle du village. Oh là là. Ça m'a quand même coûté cher, cette connerie. J'ai dû payer 25 euros pour aller niquer. Ah ouais. Ça coûte plus cher habituellement, donc. Hein. Oui, c'est vrai. Ça se trouve, ta sœur, peut-être que ce soir, elle écoute et que maintenant, elle a entendu la vérité. Ouais, elle a quel âge maintenant, ta frangine ? Elle a toujours 2 ans, vu que ça s'est passé il y a pas très longtemps. Hein. Ah d'accord. Ouais, okay, alors, d'accord. Non, peut-être un peu petite. Y a Coco qui voulait faire un petit call-off, mais il cherche aussi à avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois. Donc si jamais, vu que t'es à Paris, il peut faire le babysitter pour toi, si tu veux. Oui, si tu veux, Coco, c'est quand j'aurai envie d'aller niquer, je t'enverrai un petit message. Avec plaisir, mec, hein.

5000. Love in Fun. De 22h à minuit, avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Jeudi soir en direct, j'ai envie de souhaiter bon courage pour tous ceux qui vont se réveiller demain matin. Et en même temps, j'ai envie de leur dire... Bientôt les vacances. Bientôt les vacances pour pas mal d'entre vous qui nous écoutez. Il y en a aussi beaucoup qui nous écoutent et qui ne sont absolument pas en vacances. Et on pense fort aussi à vous. Nous, on n'est pas en vacances. Hein. Je vous le dis, on va être là pendant les deux semaines, tous les soirs, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Et vous connaissez le numéro de téléphone pour passer à l'antenne. 01 42 48 5000. C'est une émission de libre antenne qu'on fait tous les soirs. Elle s'appelle Love in Fun. Moi, je m'appelle Karel. Il y a un médecin sexologue qui est avec nous, c'est Doc. Bonsoir. Bonsoir Doc. Et Alice, bien sûr, oui. Qui mange un petit bagel. J'ai un peu de salade entre les dents d'ailleurs. C'est mignon. Ouais, c'est un peu bizarre. Petit bagel à 2 euros. Et tu sais quoi, à chaque fois que je vois le petit bagel, maintenant je pense au McBeat. Non. J'y ai pensé en prenant un bagel tout à l'heure, en me rappelant de l'histoire de cette auditrice qui nous avait dit mon collègue, il frottait sa bite contre le pain à bagel, ou il mettait sa bite dans le trou. Vraiment, c'est pas grave. Écoute, au moins, tu vois, j'aurais vu une bite cette semaine. Et ben voilà. Nicolas est avec nous, il a 25 ans, il est d'Auxerre. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, salut l'équipe. Salut. Bonsoir Nicolas. Demain, il va se passer quelque chose pour toi et t'as besoin de conseils. Voilà, exactement. Demain, c'est un grand jour pour moi. Je suis tombé raide dingue d'une fille il y a un mois et demi. Le petit souci, c'est que bon, on a déjà commencé un petit peu à se chatouiller, on va dire, quand on était ensemble. Voilà, on s'apprécie beaucoup. Hein, je t'épargne les dessins. Et demain, je dois passer à la caisse, on va dire. Et le souci, c'est que la manière où cette fille parle, où cette fille bouge, ça a l'air d'être un monstre, hein, complètement. Et le souci, c'est que moi, je suis un précoce, quoi. Mais alors, c'est génial la façon dont tu parles. Déjà, tu utilises des expressions qui n'existent pas. Et tu utilises tes propres expressions. Tu vas passer à la caisse, au lieu de dire tu vas passer à la casserole. Hein, c'est drôle. Parce que là, c'est plus l'inverse. Là, je sens que c'est moi qui vais... qui va servir d'addition, tu vois. Alors, tu nous as dit quoi d'elle? Tu sens que quoi? Elle est quoi? C'est un monstre. C'est un monstre. C'est quoi un monstre? Elle a de l'expérience sexuelle. Voilà, au niveau de l'expérience, elle bouge terriblement bien. Elle est gaulée comme une déesse. Vous avez fait quoi pour l'instant? Pour l'instant, on a fait des petits bisous. Elle m'a fait des petites papouilles à des endroits là où je suis très, sensible. C'est-à-dire, dis-nous les choses. Le bas-ventre, par exemple, le bas-ventre, tu vois, j'ai un petit point faible sur le bas-ventre et il suffit qu'elle touche et c'est tout de suite, bim, j'ai... T'as la gaule. Complètement, j'ai la gaule et pas que, quoi. Ouais, mais tu jouis, tu peux éjaculer. T'as éjaculé. Non, je jouis pas, c'est la petite goutte d'excitation qui sort, quoi. Oui, ça n'est que très normal. Ton problème, que tu penses que demain, tu vas éjaculer trop vite. C'est pas pensé, hein, c'est sûr. Hein. Oui, c'est même à peu près sûr. Oh, ouais, cette fille me rend fou. Donc, ça t'est déjà arrivé d'autres fois avec d'autres partenaires? Non, j'ai jamais ressenti ça. Ah, mais je veux dire, le fait d'être précoce, est-ce que dans les rapports sexuels que t'as d'habitude, dans une pénétration, ça va toujours trop vite? Ça c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et quand ça arrive à tout le monde. Arrivé, Et trop vite, c'est quoi? Oui. Est-ce que t'arrives à l'estimer? Tu dirais combien? Trop vite, c'est 2 minutes ou 3 minutes. C'est déjà pas mal. 3 minutes, c'est long. Non. Ouais, enfin, c'est gentil du soutien. Franchement, merci pour le soutien. Non, mais écoute, on est là pour toi. Et on veut te soutenir. Non, mais 2-3 minutes, la durée d'un coït. On parle de pénétration dans un rapport sexuel, Doc. La moyenne, c'est combien? C'est 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Voilà, il te reste 4 minutes à tenir. 4 minutes. La définition internationale de l'éjaculation prématurée, c'est moins de 2 minutes de pénétration. Donc, si tu arrives à faire 3 minutes, tu n'es pas dans l'éjaculation prématurée. Maintenant, ce que j'entends, c'est que c'est particulier avec cette fille-là qui t'excite particulièrement et que donc tu es sûr que là, ça va sortir très vite au bout de 10 secondes. Puisque... Ça, je l'entends bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire donc... Franchement, si je fais les 10 secondes, je suis content, quoi. Oui, c'est ça, j'entends bien. Alors, il y a plein de petites choses que tu peux faire avant. D'abord, il s'agit peut-être... Alors, il y a plusieurs solutions à ça. Pour le début, c'est soit tu te masturbes avant. D'accord. Pour pas aller à la rencontre avec le fusil chargé. Donc, soit tu te masturbes. Ça marche pas, ça, Doc. Ça peut. Il faut le faire avant de savoir si ça marche ou pas. Moi, franchement, chez certains hommes, ça marche. Chez d'autres, ça ne marche pas. Donc, il faut le tester pour le savoir. Chez certains, il s'agit de se masturber juste avant la rencontre. Ça marche pas, Doc. C'est mec qui a déjà vécu le truc. Chez d'autres. Tu penses pas moins bien, du coup? Si alors, t'as déjà eu une... Oui, mais c'est justement ce qu'il faut. C'est-à-dire que si ton excitation est moins forte, t'es sûr que la pénétration va durer plus longtemps. Le problème de l'éjaculation prématurée est pas un problème d'éjaculation en soi, parce que c'est un réflexe, c'est un problème d'excitation qui est trop grande. Oui, c'est dans donc, la tête, quoi. Faut pas trop se laisser aller, pas trop se concentrer sur ce qui est en train de se passer, en fait. Pas, Ouais, c'est trop dur, Alice. C'est trop mais c'est dur. Peut-être ça. Alors, pas se concentrer. Ouais. Et pense à mamie. Oui, pense à mamie qui fait la vaisselle, qui prépare une tarte. Mais justement, si ton érection baisse, c'est bon signe. Hein, ça veut dire que l'excitation d'accord. baisse et donc il y a moins de risque d'éjaculation prématurée. Donc se masturber soit le matin avant, voilà, soit se masturber juste avant la rencontre. Et puis ouais. sinon, pendant le rapport sexuel, vous êtes en train de faire des préliminaires, voilà. Eh bien, c'est de dire d'aller assez vite à la première éjaculation qui va servir à s'en débarrasser. Alors soit elle te masturbe, soit elle fait une fellation, voilà. Mais pour te débarrasser vite de cette première éjaculation. Et comme après, de toute façon, elle t'excite un maximum, bah ton érection va certainement rester. Et donc du coup. Là, l'érection qui reste ou qui revient, si par exemple elle part un peu, vous repartez un peu dans les préliminaires, ton érection va revenir et là, la deuxième pénétration peut ou la première pénétration peut durer bien plus longtemps parce que tu te seras débarrassé de cette éjaculation qui va venir très vite. D'accord. Et si jamais avec l'excitation ça sort vite comme ça, elle me dit vas-y, t'es un pauvre clampin, toi bouge de là. Moi, je tombe amoureux derrière. Alors mais non, elle ne te dira pas ça. La chose à dire, c'est... Si, elle va lui dire. Mais non, écoute, tu peux lui dire tout simplement que c'est parce qu'elle t'excite tellement. Faut nous flatter, nous, les filles, par rapport à ça. Exactement, c'est tellement parce que c'est belle. Vrai. C'est lui dire la vérité. C'est tu m'excites trop, voilà, ça fait ça. Mais on va continuer, t'inquiète pas. Mais grave, vous faites une petite pause et tout. Mais franchement, je pense pas qu'elle va mal le prendre. Et à la limite, tu vois, tu la préviens avant si t'as peur que ça arrive. Tu vois, vous êtes un peu dans le jeu de séduction et tu lui dis, oh là là, tu m'excites tellement que je pense qu'en deux minutes, ça va partir, quoi. J'ai jamais ressenti ça avec une meuf. D'accord. Tu vois, tu la flattes un peu par rapport avec ça. Et peut-être qu'elle peut en jouer. Et je pense que quand, de toute façon, c'est ça, même, comme disait Doc, il faut toujours aussi un peu, changer aussi, même, je pense, de position, des trucs comme ça, et prendre un peu le temps avec elle. Mais je pense que les filles ne réagissent pas mal à ça, quoi. C'est pas la fin du monde, surtout si c'est la première fois que vous le faites ensemble. Ouais, d'accord. Nico, je peux éventuellement te donner une autre solution. Après, c'est à toi de voir si ça peut t'intéresser ou pas. Je peux éventuellement aller à Auxerre et m'occuper d'elle pendant une heure. Et ensuite, je te laisserai 3-4 minutes avec elle. Voilà, quoi. Comme ça, elle aura eu beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Hein, puisque moi, t'es un sacré chanceux, toi, hein, parce que c'est 7 minutes maximum la moyenne. Toi, t'es une heure, putain. Ah, bien sûr. Ah ouais, mais c'est toi qui baisses la moyenne aussi. Donc, si on a 3 minutes, il y en a bien 45. Hein ouais, tu comprends, c'est Nico. C'est sûr. Alors, pour avoir vécu ce que t'as vécu, tu vois, finalement, je te dis la vérité, moi aussi, j'ai déjà fait comme toi. Moi, le truc que je faisais, en fait, j'essayais de me dire que ça n'avait aucune importance. Hein, c'est un petit peu ce que tu dis, d'ailleurs, Doc. Parce que ça t'arrive une fois, ça t'arrive deux fois, ça t'arrive trois fois, après, c'est dans la tête, tu te dis, ah, putain, j'y arrive plus et tout, machin. La branlette juste avant, ça peut t'aider, ça aussi. Hein. Oui. Et, sauver la mise. Autre chose aussi, c'est de se dire bon, à la rigueur, je m'en fous si l'éjaculation elle vient trop vite. C'est que tout ne réside quand même pas là. L'important, c'est le moment que tu vas passer avec elle. C'est les caresses, les câlins, les bisous, la fellation, le cunnilingus. Enfin, il y a quand même tout le reste. C'est tout le reste qui est intéressant, hein. Pas juste ça. Donc, pars-y en te disant bon, eh ben, si ça arrive, c'est pas grave. Et Nicolas, est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais peut-être essayer aussi demain, c'est quand t'arrives et tout machin, c'est toi qui vas t'occuper d'elle. C'est-à-dire, tu vas lui faire une bête de cuni. Et là, si tu te démerdes bien, elle va jouir. Avant la pénétration. Avant la pénétration, tu la laisses jouir, tu la laisses kiffer, et après tu peux la pénétrer. Elle aura déjà eu un orgasme. Bah oui, grave. C'est pas mal ça aussi. Bah c'est déjà pas mal. Hein. Et, c'est et puis dernière astuce, c'est quand t'es dans la pénétration, à chaque fois que tu sens que ça pourrait venir même de loin, tu t'arrêtes et tu respires profondément par le ventre. Tu t'arrêtes et tu fais. Voilà. Alors elle va te dire bah qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste dire bah je suis trop excité, je me pose. C'est tout. D'accord. Ou j'ai une crampe. Non, c'est sûr. Pas la peine. On va demander à Matt. Matt, si ça lui est déjà arrivé, bien sûr. Comme tout, voilà, tout homme qui se respecte. Sûr. Un petit problème d'éjaculation précoce, Matt. Mais bien sûr. Mais tu penses à autre chose, la grand-mère, quelque chose, tu vois. Tu penses à mamie. Mais oui, à mamie. J'en ai plus. Et ça calme. Raison de plus là, tu vas encore plus débander si tu penses à elle. Bah maman. Je me suis déjà, je me suis déjà pense vu. À tes courses, pense à n'importe quoi, un truc ouais, qui va te désexciter. L'étape de multiplication, 7 x 7, 49, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est véridique, j'ai fait ça, vraiment. Mais parce que des fois, on est tellement dedans et tout, en fait, il faut prendre du recul. Et oui. Et surtout, prends ton temps et va lentement. On va d'autant plus vite que, enfin, l'éjaculation vient d'autant plus vite que tu stresses, que tu vas vite, que tu veux faire bien, que t'es dans la performance. Donc, calme, relax, prends ton temps. Dimanche soir, on prendra des nouvelles de Nicolas. Est-ce qu'il aura réussi à ne pas éjaculer en moins de 2 minutes? Ce sera son défi. Nicolas, on te fait une grosse bise. Bon courage pour demain. Hein. Salut, salut l'équipe, merci bien. Salut Nico, allez prépare ta tub. Ciao champion. Jonathan va terminer l'émission. Jonathan le Nîmois, c'est parti, tu peux dire ce que tu veux, mon pote. Oui. Alors juste, si tu peux me permettre de te donner un petit conseil, mon père. Ouais. Écoute-moi, toi Alice, toi je vois que t'as du mal, ça fait 3 ans, tu vois que t'essayes ma chaîne. Tu vois, c'est comme une friteuse. Une fois que t'as trouvé le bouton du thermostat, une fois que l'huile est bien chaude, et ben là tu peux tremper l'eau chaude. Donc t'es en train de me comparer avec une friteuse? Non mais non, pas du tout mais... Si j'ai l'impression pour... On va tremper non, le churros. C'est un bon conseil de merde hein. Jonathan, eh ben, écoute, je vais essayer de le suivre. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais surtout que maintenant que je le sais, Jonathan, si t'as envie de passer un petit message, profite s'il y a des amis à toi qui écoutent et tout, c'est le moment. Alors, je fais un big up à tous mes collègues de la MFR, Pierrick Arnaud, Stéphano, le cubiteur extrême, le sodomisateur, tous mes machins. Je fais un bisou à la maman, je fais un bisou à la copine, la femme que j'aime. Et surtout, je vous fais un gros bisou à vous. Je vous adore et vous êtes génial. Merci beaucoup. Salut Jonathan, et tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Merci à toi. Bisous. Merci beaucoup, on va se retrouver dimanche soir en direct. Hein. On est là pendant toutes les vacances, bien sûr. Et on sera là, on va vous souhaiter un bon week-end. Hein. On a tous des petites choses sympathiques là, qui vont se passer ce week-end. Et puis, nous allons retrouver celui qui a eu des problèmes d'éjaculation précoce, voilà, plus jeune. Hein. On en apprend un petit peu plus tous les soirs. Non, sur hier. Ah, c'est pas vrai. Mais de temps en temps, voilà, ça arrive. T'as eu un petit problème d'éjaculation précoce, dis donc. Ah bah dis donc, non mais c'est voilà, c'est une chose qui arrive de temps en temps, voilà, quand t'es vraiment trop excité, effectivement, faut penser à autre chose, et puis mais donc, tu peux en jouer, c'est rigolo quoi aussi. Oui, voilà. Sûr, Tu t'arrêtes, tu finis dans la douche à côté, voilà, en gros. Ah d'accord, mais ta partenaire est avec nous Betty. Betty, ça va Betty? Ça va très bien. Bon alors, ah bah tu vois, elle est contente, ça va très bien. Ce n'est un secret pour personne. Bah, moi je viens de l'apprendre. Tombe de haut là. Betty et Matt, voilà, ça fonctionne. Il y a eu un petit souci hier, Betty. Ben non. Tout va très bien. Elle dormait apparemment. Voilà, alors il faut réveiller sa partenaire quand même. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, c'est plus sympa quand même. Ce qui est précoce pour l'un ne l'est pas toujours pour l'autre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben voilà. Allez, trêve de partage. Allez. Place à Party Fun. Que se passe-t-il ce soir? Eh ben écoute, plein de belles choses. En plus, c'est jeudi soir. C'est bien, tu vois, c'est déjà un petit peu le début du week-end. C'est toi, bon, Il y a l'air du week-end qui est déjà là avec le coup de cœur Arcel tout à l'heure à 1h du matin pour terminer l'émission en beauté. Un coup de cœur Arcel de fou ce soir. C'est un son qui est sorti quand même il y a quelques années, mais qui est un peu mythique dans l'esprit du Arcel. Donc ça va plaire à pas mal d'habitués de l'émission. Et puis, on va démarrer avec Son of Legend, le nouveau Son of Legend. Mode remix, je vois Karel qui me regarde avec des yeux, mais hyper intéressé. Ouais. Et là, il boit mes paroles, ça. Absolument. Et c'est le premier remix de Party Fun mixé à la doudoune. Mixé à la doudoune, ouais. Je vais me déshabiller dans pas longtemps. Je me chauffe et puis après, je me déshabille. Et on démarre tout de suite l'émission avec Loud Luxury. Je le fais bien avec l'accent anglais. Loud Luxury. Loud Luxury. Body dans Party Fun sur Fun Radio. Belle soirée, tout le monde. À dimanche, les copains. Bisous, bisous. Bisous. Bisous. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. Discover a new sensation.